Bonjour tout le monde, vous êtes très nombreux, nombreuses à nous écouter ce soir. Et c'est notre grand retour, ça fait vachement longtemps qu'on n'était pas revenu faire des émissions. Et donc ce soir dans Radio Cayenne, on va essayer de vous parler de tout plein de trucs, parce qu'il se passe tout plein de trucs, un peu comme tout le temps, mais quand même. On va essayer d'avoir la chance de causer avec des étudiants et professeurs du mouvement des universités qui est en cours depuis des mois maintenant. Et du coup, il y a pas mal de choses à raconter niveau blocage des examens et répression que les gens subissent là-bas. On va parler aussi des luttes des exilés autour de tous les campements qui se font démanteler en ce moment et puis de la situation de l'EHPAD à Nantes. On fera un vaste point international où on parlera de ce qui se passe au Chili, au Nicaragua, en Jordanie, etc. Un petit agenda évidemment. On reviendra aussi sur la manif du 24 mai qui était la manif, on va dire, qui a suivi la reprise entre guillemets des expulsions sur la ZAD. Et donc on parlera un peu de ce qui s'est passé autour de la ZAD et de la manif contre les violences policières suite à la blessure de Maxime, etc. Et puis voilà, on parlera de tout plein d'autres choses très probablement. Donc on vous souhaite une bonne soirée, on vous remet un peu de musique le temps qu'on se cale tout ça et puis on arrive très vite. Le système actuel d'enquête sur les plaintes contre la police favorise les policiers. Les policiers ne sont pas au-dessus des lois. Bonjour, vous êtes toujours sur Radio Cayenne. Du coup, là, on va commencer notre programme un peu plus, avec un peu plus de contenu, quoi. On va donc commencer par un petit reportage audio sur la manif du 17 mai, donc à Nantes, qui a suivi le début de la deuxième vague d'expulsion sur la ZAD à Notre-Dame-des-Landes. Donc voilà, c'est un petit reportage qui dure une petite dizaine de minutes avec quelques interventions, ambiance de manif, tout ça. Donc à tout à l'heure. L'État expulse sur la ZAD aujourd'hui. Il y a plus d'un mois, ils expulsaient déjà une trentaine de lieux. Ils continuent à intimider, à blesser, à réprimer, à enfermer. La répression s'est même intensifiée durant ce qu'ils ont appelé la trêve. La dynamique d'expulsion ne s'est jamais arrêtée, mais se construit concrètement et parfois tacitement depuis le 9 avril. C'est une stratégie sur le long terme. Aujourd'hui, l'offensive militaire s'est une nouvelle fois renforcée pour expulser plusieurs lieux. La Vaugerie, la Châtaigne, puis plus la Datcha-Cha. L'État annonce une opération sur 2 jours. 4 lieux aujourd'hui, 6 autres de prévu demain. Visant d'abord les lieux qu'elle appelle sans projet. Réalité ou mensonge, peu importe. Que ce soit à Nantes, sur la ZAD ou à tout autre endroit, nous devons nous organiser pour défendre tout lieu occupé. Et si destruction, soutenir toute occupation et reconstruction. N'hésitons pas à faire preuve d'imagination et de créativité, à Nantes ou ailleurs. Des actions de tout type sont possibles. Durant les expulsions, un accueil a lieu à partir de 9h le matin à B17, rue Paul Bellamy, au numéro 17, juste au-dessus, pour s'informer et mobiliser du soutien. Pour ceux qui souhaitent s'organiser localement, une AG aura lieu ce soir à 20h30 à B17. Évidemment, tout soutien est bienvenu, et sur la ZAD, évidemment, également. Si l'attaque de la ZAD a un gros impact médiatique, nous tenons à apporter notre soutien à toutes les personnes expulsées ou menacées de l'être. Nous apportons aussi notre soutien à toutes les personnes victimes de la répression de l'État dans le cadre des mouvements sociaux ou non. Ainsi, il nous semblerait aberrant de ne pas continuer à exiger de la part du mouvement une amnistie générale pour toutes les victimes de la répression liée à la lutte pour la ZAD. La répression disproportionnée qui a lieu là-bas et qui mutile et détruit est suivie de peines juridiques tout aussi disproportionnées qui vont marquer des vies sur le long terme. La prise de parole se termine, mais le micro reste ouvert pour parler de d'autres sujets en lien avec la ZAD, si d'autres personnes ont des choses à dire là-dessus, mais aussi en lien avec d'autres luttes qui peuvent se passer sur Nantes actuellement, ou autre part également. Donc s'il y a des gens qui veulent parler d'autres luttes par ici, n'hésitez pas, de la répression aussi sur... Tout le monde déteste les expulsions. Quand on écoutait Radio Klaxon, ils ont annoncé qu'il y a une personne qui avait pris aujourd'hui 1 an ferme de prison pour des violences sans ITT, donc sans blessure en fait, sur agent dépositaire de la force publique, avec un dossier complètement vide. Et du coup, une juge qui suit les réquisitions du procureur sans même prendre en compte la plaidoirie de l'avocat et le fait que c'est pas qu'ils ont aucune preuve que ce soit que cette personne ait fait quoi que ce soit ce jour-là sur la ZAD. Il y a déjà eu pas mal d'autres condamnations. Il y a actuellement 5 personnes en prison. Et du coup, voilà, on appelle aussi à soutenir les personnes. Et à essayer peut-être par des actions, par tout type d'action, de se montrer solidaire avec les personnes qui mangent cette expression dans leur gueule. Et peut-être avoir assez de rapport de force aussi pour que ça s'arrête en fait. Allez, sur la ZAD comme ailleurs, expulsons les expulseurs. Sur la ZAD comme ailleurs, expulsons les expulseurs. Sur la ZAD comme ailleurs, expulsons les expulseurs. Sur la ZAD. Et la ZAD vivra, la ZAD vaincra, et les cabanes, on les reconstruira. La ZAD vivra, la ZAD vaincra, et les cabanes, on les reconstruira. La ZAD vivra, la ZAD vaincra, et les cabanes, on les reconstruira. Peut-être aussi, on peut rappeler qu'il y a plus de 300 blessés depuis le début de l'opération, là, depuis le 9 avril. Dont plusieurs blessés graves, des personnes qui sont encore à l'hôpital. Voilà. Et aussi de dire que pendant la pseudo-trêve, là, bah, y avait quand même encore beaucoup de blessés, beaucoup d'arrestations et aussi des cabanes de détruites. Il y a une liste là-bas qui a été faite des lieux qui sont tombés depuis début avril et avant. Et voilà, après on a mis aussi dessus qu'on pensait à tous les autres expulsés, notamment à Nantes, il y a la fac de Nantes qui a été expulsée il n'y a pas longtemps, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent venir en parler. Puis il y a une semaine, quelque chose comme ça, il y a eu aussi les gens qui squattaient en camion dans le Bas-Chantenay, qui ont été virés pour des projets d'aménagement Nantes touriste plus là. Et puis un peu plus longtemps, les exilés aussi qui occupaient la fac, et le château du Tertre sur le campus qui ont été expulsés. Voilà, voilà, et du coup, s'il y a des gens qui veulent venir parler de tout ça, ce serait chouette. La ZAD vivra ! La ZAD vaincra ! Et les cabanes, on les reconstruira ! La ZAD vivra ! La ZAD vaincra ! Et les cabanes, on les reconstruira ! La ZAD vivra ! La ZAD vaincra ! Et juste en information aussi, demain après-midi, il y a un appel à faire des actions décentralisées pour Bure. Bure, cette ville de la Meuse, ce petit village où une poubelle nucléaire veut être construite par l'État. Et du coup, sur Indemedia, il y a un appel aux intercomités à faire une action demain après-midi. Donc ça peut être une idée à discuter plus tard en AG sur les actions à poser demain en lien avec la ZAD, en lien avec Bure, où les répressions militaires sont présentes de la même façon. En fait, Bure est quadrillé de gendarmes depuis l'été dernier, en fait, et les cabanes aussi ont été détruites, les personnes elles prennent super cher en termes de répression aussi là-bas, du coup bah voilà. Bonsoir, du coup on est étudiant, du coup bon bah on va pas vous résumer depuis combien de temps on est engagé dans la lutte contre la loi OR. Depuis lundi il y a des examens qui sont décentralisés un peu partout, à la Trocardière et à Beaujoire. S'en est suivi de ce fait une présence policière. Depuis hier c'est la gendarmerie mobile, donc du coup c'est autre chose, c'est les militaires. On a une camarade qui a fini à l'hôpital, d'autres qui ont subi des violences de caractère raciste, d'autres qui ont pris la gazeuse, la coup de matraque. Il y a même des gens qui ont subi des pressions de la part du personnel de l'université. On ne te reverra pas à la fac l'année prochaine. Donc délit de faciès aussi, ouais. Donc à partir de ce moment-là, bah, on continue à essayer de faire des choses. On se rend compte qu'au-dessus de nous, bah, les directeurs... ils sont seuls et puis notre président, notre cher président Labou dirige tout d'une baguette et d'une main de fer. Et bah ouais, on a besoin un peu de soutien quand même. Merci, merci, merci. Bonjour, moi c'est Julien. En ce qui concerne la lutte étudiante, on a reçu un mail d'Olivier Labou, le président de l'université, tout à l'heure, nous disant que les examens étaient annulés pour certaines filières mais pas toutes. Hier, ça a bloqué à la Trocardière, qui est le lieu où les examens ont été délocalisés. Et Olivier Laboux a envoyé un mail tout à l'heure disant que pour les facs d'histoire, histoire de l'art, les examens étaient annulés, mais que pour les autres, ils étaient maintenus, qu'ils allaient être reportés probablement avant le 1er juin. Mais du coup, ça fait que renforcer la division qu'il essaye d'installer au sein des différentes filières et au sein du mouvement étudiant. Et du coup, voilà, il y a appel à bloquer pour tous les prochains partiels quand ils seront délocalisés. Coucou, vous êtes toujours sur Radio Cayenne. Et donc, avant cette magnifique chanson des Pussy Riot, on a entendu un montage sur la manif de mai là, qui suivait la deuxième vague du 17 mai. Très bien, d'expulsion sur la ZAD. Et donc depuis sur la ZAD, il se passe plein de choses diverses et variées. On vous enjoint à vous renseigner sur zad.nadir.org ou nantes.indimedia.org ou même à lire les quelques articles sur Mediapart. Bref, voilà. Et donc, quand même, l'actualité brûlante qui a marqué un petit peu ces dernières semaines, c'est bien sûr la mutilation de Maxime, puisque le 22 mai, effectivement, il y a un blessé grave sur la ZAD suite à un lancer d'une grenade Gli F4 qui, du coup, lui a explosé dans la main et Maxime a perdu sa main. Voilà, et c'est donc un mutilé de plus par les armes de la police. Et donc, faut dire que quand même, depuis le début de l'opération sur zone, il y a eu plus de 300 blessés pris en charge. Et on compte pas, évidemment, tous ceux qui sont pas forcément pris en charge. C'est pas tous des blessés graves, mais il y a quand même plusieurs blessés graves dans l'eau. Pendant la deuxième vague d'expulsion, il y a eu, au moins 3 personnes évacuées vers l'hôpital, quoi. Au moins. Voilà. Et donc, du coup, suite à cette mutilation, il y a eu aussi des réactions et des manifestations. Bah après, dans les réactions, je pense que c'est bien d'évoquer les réactions de l'État, surtout de la préfecture qu'il y a eu immédiatement, qui a quand même beaucoup insisté sur le fait qu'il avait saisi la grenade et que bon, c'était un petit peu de sa faute, quoi. Alors que bon, il est bien. Enfin, voilà. Ce sont quand même des armes qui contiennent de la tolite, qui est une sorte de TNT, quoi. Oui, ils sont des armes qui explosent et qui font très souvent des blessures. Et surtout, bon, bah voilà, la préfecture, comme tu dis, elle a insisté sur le fait que c'était défensif, que les pauvres CRS étaient vraiment encerclés et harcelés par 50 cocktails Molotov, nanani nanana. Or, il y a énormément de témoignages qui disent le contraire. Il y avait très peu de monde. En fait, on le sait quand même que sur cette deuxième vague d'expulsion, c'était pas full, que beaucoup, ça stagne autour des GM. Alors oui, ça s'invective et tout ça, mais en vrai, les gens sont pas... Enfin, 50 cocktails Molotov, faut pas rêver, ça n'arrive pas. Se sont fait charger, a priori. Et c'est plutôt lors d'une charge où eux, ils essayaient de fuir, que les flics ont balancé des grenades en même temps de charger, quoi. Sur des gens qui fuyaient. Voilà. Oui, voilà. Donc, suite à ça, il y a eu des réactions, notamment à Nantes, pour la manif de la marée populaire le samedi suivant, donc le 26, si je ne m'abuse, qui à Nantes a réuni, je dirais, entre 5 et 8 000 personnes autour de sujets extrêmement variés, dont cette question des armes de la police. Déjà, on a vu pas mal de gens avec des gants rouges, donc en soutien à Maxime. Il y a eu une série de manifestations un petit peu partout dans l'Hexagone et ailleurs, je sais pas, mais très probablement, je dirais. Je sais pas, en tout cas. Mercredi dernier. Et peut-être on pouvait dire que d'ailleurs, suite à la deuxième vague d'expulsion, et puis même à la première, en fait, il y avait aussi des réactions un peu partout en France. Oui, bien sûr. Oui. Alors là. Enfin, ces manifs-là étaient plus effectivement sur le thème des blessés par la police. Donc c'était le mercredi 30 mai. Il y a eu des manifs vraiment un peu partout. Certaines, comme à Nantes et à Grenoble, ont un petit peu dégénéré dans le sens où la police n'aime pas du tout qu'on la mette devant ce qu'elle fait, quoi. Alors à Dijon, par exemple, la manif rassemblait une soixantaine de personnes. Ils ont été violemment agressés par les forces de répression. Il y a eu plusieurs blessés et une interpellation. À Nantes, il y avait, je dirais, entre 200 et 300 personnes. Ouais. Donc la manif est partie de la place du Bouffay, était vraiment très très, très, très tranquille. Il y a eu des déploiements de banderoles. Lecture de texte sur le perron de la préfecture et les flics ont donc fait usage de la lance-incendie sur les gens rassemblés ici sous prétexte apparemment de quelques petits pochoirs de main sur la préfecture. Oui, il se passait vraiment rien, c'était très très tranquille et en fait ils ont vraiment harcelé les gens de la banderole avec un sourire sadique qui était, enfin c'était vraiment, oui. On sentait que c'était volontaire en fait de casser les gens. Et d'ailleurs, ils ont balancé la grosse lance à incendie, et puis derrière, direct, les grenades. Grenades lacrymogènes. Voilà. Et je ne sais plus comment s'appellent les LBD à répétition, là, mais y a eu quelques coups aussi. Après, la manif a redescendu le cours des 50 otages, un petit peu poussé par les flics. Il y avait déjà, du coup, des blessés, hein, à cause de ça. Il y a eu un blessé assez impressionnant, qui a eu, en gros, la paupière un peu arrachée, quoi, par le canon à eau. Incendie, ouais. Et donc, oui. Arrivé... place du Cirque. Là donc on était un petit peu encerclé par les CRS, la BAC et la CDI. Et donc d'un seul coup les flics ont un petit peu attaqué de toutes parts. Bah il y a eu deux interpellations auxquelles les gens se sont restés groupés et se sont mis à gueuler sur les flics, libérez nos camarades. Et là c'est parti en sucette, ils ont chargé n'importe comment, ils poursuivaient les gens au milieu de la manif, ils tapaient tout ce qui bouge, enfin c'était, voilà, c'est lâcher les chiens enragés, quoi. Oui, donc il y a eu, alors à ce moment-là, il y a eu, je crois, une autre interpellation. Au niveau blessé, alors j'ai un article là-dessus, je vais le lire. Ouais. un petit peu plus tard. Mais donc il y a eu une dernière interpellation dans le bar Le Cercle Rouge plus tard après la manif, donc d'une personne qui se faisait courser et qui donc s'est fait rattraper par la BAC. Oui, c'est ça, ils ont fait vraiment la chasse à l'homme pour rien, parce qu'il s'était rien passé, quoi, honnêtement. Des slogans, en fait, il s'est rien passé. Et oui, trois pochoirs peut-être, demain, rouge. En réalité, vu l'ambiance, vu le sujet de la manif, enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de sang-froid du côté des manifestants. Énormément de sang-froid, c'est clair. Et du coup, est-ce qu'on lit le compte-rendu ou de la médic de Nantes ? Ouais. Tout. Alors je peux lire vite fait les passages un peu synthétiques, quoi. Il y a eu au moins 4 personnes touchées lors de la première charge, dont une a fait une chute qui lui cause une grosse bosse derrière la tête. La deuxième charge, la C10, mais en partie et au moins de la partie et au moins une trentaine de personnes reçoivent des coups de matraque. Et donc les médics se sont couchés sur les blessés pour les protéger. Les médics ont eux-mêmes été atteint au dos, hanches, fesses et bras. Donc il y a eu gazeuse au poivre, etc. Donc voilà. Je sais pas si on a fini là-dessus. Oui, bah voilà, je pense que c'était un peu les dernières nouvelles. Après, comme on disait, pour se tenir informé, continuer à lire zad.nadir.org et nantes.indymedia.org pour avoir les dernières infos concernant ces luttes-là. Et puis peut-être maintenant, on va essayer de choper des témoignages d'étudiants par rapport à ce qui se passe autour du blocage d'examen et de la répression que eux aussi y subissent. Donc on met un peu de musique et on arrive tout de suite. Sur la place de l'église en feu, une barricade de pneus crevés nous entourait, nous protégeait, nous encourageait. Les projectiles que nous lançaient, les forces armées sur nous n'avaient aucun effet. Aucun effet. La statue du roi Albert Ier vient d'être décapitée par un obus de mortier. Les poings levés, l'œil émerveillé, nous nous sommes mis à danser, à chanter. Je t'aime. Et ouais, carrément. Et du coup, alors ce soir, on a la chance d'avoir avec nous des étudiants étudiantes qui vont pouvoir un petit peu nous parler de ce qui se passe sur la fac. Alors je sais plus si la dernière fois on en avait causé, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas causé, juste dans nos micros là. Et du coup, il y avait blocage des partiels et des examens. Et est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire où ça en est ça ? Est-ce que les examens, ils ont été annulés ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors c'est compliqué parce que c'est très long à expliquer, mais je peux essayer de faire court. En gros, il y a eu tout ce qui s'est passé en fait ces derniers temps dans les universités et les lycées en fait, avec genre les face en fait aux occupations, aux manifestations étudiantes et lycéennes qui sont fait réprimer très violemment. Il y a eu des, face à la justice où il y a du coup pas mal d'étudiantes qui ont fini en tôle, où du coup beaucoup de blessés, beaucoup d'évacuations, genre une vingtaine, trentaine d'évacuations en 2 mois d'université et de lycée. Et du coup en fait, contre la loi ORE du coup, en soi, entre autres, parmi tant d'autres. Et du coup, beaucoup d'étudiants et d'étudiantes ne voulaient pas en fait que ça se passe normalement en fait des examens au vu de tout ce qui s'était passé en fait. Ça pouvait pas être normal en fait, tout le niveau de répression qui était tellement élevé. Et ça a commencé en fait à Lille, ça a été les premières à boycotter leur examen. Et à Nantes, t'as eu le truc de, comme il y a eu les vacances et tout, avant de passer au partiel, t'as eu genre un espèce de coup de mou, genre où tout le monde pensait qu'il allait plus rien se passer, que c'était une fatalité les examens. Du coup tout le monde a révisé quand même en fait, et en mode le mouvement est fini quoi. Et en fait, Olivier Laboule, le président de l'université, a fait une grosse connerie. C'est que en tentant sur le fait de on va appeler un rassemblement à peine 20 personnes devant le premier devant le centre d'examen le premier jour, on va voir en fait ce qui va se passer quoi, au moins être là mais d'une présence pour dire que c'est pas normal que ça se passe dans ces conditions, parce que c'était mis genre aux quatre coins de Nantes dans des à genre 4 milliards d'années de tout lieu, enfin c'était genre hyper loin, c'est pas possible. Et du coup ils en aient les flics directement en fait, la CDI, le premier jour des examens. Et du coup c'était grave le bordel, t'as eu du coup pas mal de violences en fait, de gazage, de matraquage, etc. D'insultes et de coups de pression en fait de l'administration dès le début. Donc en soi les examens dans leur globalité en fait elles ont eu lieu. Mais pour ce qui est genre lettres, tout le pôle genre sciences humaines, genre lettres, langage, LEA, LLCE... sociologie, histoire, géographie, psycho, philo, c'était perturbé du fait qu'il y a eu la police en fait à chaque fois devant le centre d'examen où il y avait ces examens là. Et en fait ça s'est manifesté par déjà du soutien d'extérieur, donc t'as eu des camarades de la CGT qui sont venus, il y a eu des gens, des jeunes précaires aussi, des chômeurs, chômeuses qui sont venus aussi nous filer des coups de main, et d'autres étudiants qui passaient pas leur examen à ce moment là et également les étudiants qui étaient à l'intérieur qui face aux coups de pression, au contrôle, aux fouilles des sacs, au matraquage, aux insultes de la part des personnes d'administration et également de la police. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont refusé dès le lendemain en fait, de faire leur examen et donc de foutre le bordel, en fait, de gueuler, de taper des mains, de refuser de s'asseoir, etc. Et du coup, ça a commencé comme ça mardi, mercredi pareil. Et du coup, en fait, les annulations d'examens sur table sont tombées en fait, jusqu'au week-end. Et ils ont fait une autre connerie. Voilà, ce qui a mis un peu le feu aux poudres, c'est que LEA, LSE, qui n'étaient pas énormément mobilisés depuis le début, en fait, ils ont quand même envoyé la police là-bas, qui était en face de la fac, et l'administration a, par peur que ça prenne également là-bas, fouille, pareil, intimidation, et venait voir chaque étudiant qui était assis à la table pour leur dire, pour leur confisquer leur carte étudiante, en leur menaçant de si jamais vous foutez le bordel, on sait qui c'est. Et le problème, c'est que c'est légalement interdit par la loi, c'est un vol. Parce que, en fait, tu regardes que la carte étudiante, c'est une carte Monéo, donc c'est une carte en fait, dans laquelle il y a un dépôt d'argent, donc c'est une carte de paiement, sans code. Et c'est clairement stipulé dans le règlement intérieur de la fac que c'est une carte incessible. Donc on peut pas la prendre, en fait, sauf vraiment demande de la justice, sauf que ça s'était fait dans un cadre complètement illégal. Et du coup, il y en a plein qui ont voulu qui sont levés en disant c'est pas normal, plus la jalousie du fait qu'il y a des gens qui avaient leur devoir maison sur table. Du coup, ils ont foutu le zbeul énorme, et du coup, ça a été annulé. Et du coup, les examens, donc après, ça s'est fait dans... Je sais pas si vous, tu veux que je continue ou pas. Ouais, c'est si, un si, peu... vas-y, c'est hyper intéressant. Bref. Et du coup, ça a été grave le bordel. La présidence savait pas quoi faire parce que, du coup, face à ça, du coup, les gens sont sortis du lieu d'examen en mode énervé. Ils voulaient demander des comptes auprès du personnel qui avait réquisitionné les cartes, qui avait volé les cartes. Et du coup, il y a eu en gros plusieurs explications, et c'est là que c'est parti en mode devant le, jusqu'au pôle étudiant. En fait, il y a eu un cortège de 100 personnes qui escortaient plus ou moins les personnels en leur demandant des comptes en fait vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de la police, vis-à-vis des matraquages, des intimidations, du vol des cartes. Ils ont eu peur, ils ont appelé la CDI. Heureusement, il y a un directeur du FR qui est intervenu pour faire dégager la police. Ils sont partis, du coup, ils étaient un peu dégoûtés, les flics. Et ils sont partis en courant, en se cachant, le personnel administratif. Et de là, en fait, c'est sorti une espèce de storytelling de Tears, en mode « Mon Dieu, on s'est fait insulter, bousculer ». Et de là, du coup, tombaient du coup, des plaintes contre des professeurs qui étaient là pour demander du coup, des comptes par rapport au vol également. Et qui s'étaient interposés contre les, entre les étudiants aussi et le personnel, pour dire bah, pour calmer les tensions. Quoi. Du coup, ils sont, du coup, y en a un qui est... suspendu de ses fonctions jusqu'en octobre. Et tous les deux sont en conseil disciplinaire et également ils sont également c'est emmené jusqu'au pénal également pour du coup diffamation etc. Donc ces 7 personnes qui ont déposé des plaintes sont les 7 mêmes personnes qui ont déposé des plaintes contre plusieurs étudiants et étudiantes, y compris une camarade qui a des contrôles judiciaires sous la faute en fait de dénonciation de professeurs en fait. Alors qu'il s'est quasiment rien passé quoi. Et alors qu'il se passe strictement rien en fait. Il se passe strictement rien, à part dénoncer le fait, depuis novembre, en fait, les expulsions inhumaines, la présence policière, les pressions sur les biats, sur les personnels, sur les étudiants et les menaces, en fait, et les conditions d'examen qui sont n'importe quoi. Et donc, en fait, tu as une punition qui est tombée administrative, clairement, en fait, sur les gens qui sont mobilisés, les étudiantes et les professeurs. Mais du coup, les étudiants, les examens se passent à la maison. Ça s'appelle les, bah, du coup, les devoirs maison qui sont en ligne. Et du coup, c'était en gros, le président, il délaisse, en mode, il se lave les mains. Là, et il donne au directeur du FR les pleins pouvoirs en mode démerdez-vous dans vos UFR. Et du coup, c'est des trucs de on ne sait pas du tout comment ça se passe, c'est le stress pas possible, il n'y a aucune information. Et c'est en mode. Pour l'histoire, par exemple, comme c'était annulé, genre le vendredi, dans le jeudi, genre à 22h, ils disent oui, voilà, du coup, les conditions d'examen, démerdez-vous. Super. Sauf qu'en fait, c'est un gros bordel parce que c'est illégal en fait. Du fait que ça touche encore une fois les étudiants les plus pauvres. Parce qu'encore une fois, ils ont pas. Et du coup, les exilés qui venaient tout juste d'être inscrits à la fac sont ceux qui ont le plus galéré. Parce qu'ils n'ont pas internet, ils n'ont pas d'ordinateur. Et du coup, clairement, les directeurs du FR disaient, en tout cas, notre directeur d'histoire, Yann Nure, a dit clairement tant pis pour eux, ils ont rattrapage quoi. Super. Et sympa. Ça a été, c'est le cas pour plein d'autres en fait, profs qui disaient ça en fait, genre. Et donc, ceux qui sont en situation de handicap, rien à foutre. Ceux qui sont. Enfin bref. Les rattrapages, c'est bientôt, non? Les rattrapages, c'est la troisième semaine de juin, je crois. Ok. On sait pas trop. Mais du coup, ça s'est fait un peu chaotiquement toute la semaine. Des gens qui essaient de s'organiser, mais ils ont tellement réussi à bien diviser par cette répression administrative que c'était un peu le bordel. Donc les gens ont quand même fait leurs examens. Mais en soi, ce sera un peu des examens en chocolat, puisqu'on l'aura fait avec nos cours sous les yeux. Oui. C'est là qu'en fait, on se questionnait, mais quelle valeur, en fait, on donne à un examen qui est soit passé sous la présence policière et l'intimidation et du coup la force, ou passé avec les cours sous les yeux. Donc leur intérêt en fait... Et puis par rapport aux autres villes aussi, qu'est-ce qui se passe là dans les autres villes? C'est pareil, il y en a plusieurs des examens qui ont dans été annulés, villes, non? C'est exactement pareil en fait, que ce soit dans toutes les universités parisiennes, à Grenoble, à Lyon, à Marseille, à Lille, à Toulouse, à... en tout cas dans les grosses villes universitaires, en tout cas, Rennes, ils ont réussi à faire annuler les examens, enfin une partie des examens, tu veux dire quelque chose? Ouais, sachant que pendant toute l'année, leur argument principal contre la banalisation du semestre et le 12 mélioratif, c'était « Oui, mais vous aurez des examens en chocolat et votre diplôme, il vaudra rien. » Et du coup, là, en fait, ce genre de résultat, c'est pour la même chose, sauf que c'est moins valorisant pour les étudiants, quoi. Ouais, c'est un truc de principe, en mode principe administratif, genre peu importe qu'est-ce qui se passe, il faut le faire, quoi. Mais du coup, dans beaucoup d'autres facs, en fait, ça a été perturbé. Ils ont réussi à, certains, Paris 8, ont réussi à obtenir le semestre blanc, d'autres des garanties. Mais genre, par exemple, à Lille, là, les premières à s'être mobilisées et à boycotter leurs examens, du coup, les profs étaient de leur côté, y compris des professeurs de jury en Sciences Po, ceux qui étaient jury d'examen, qui disaient « Non, vous venez être à 10, vous venez être à 10, vous venez être à 10. » En fait, il y a des profs réactionnaires qui ont fait chier et ont réussi à tirer le truc du côté du droit en disant « Non, c'est pas possible de faire ça, allez vous faire foutre. » Du coup, tout le monde à zéro. Et il y en a d'autres, genre à Paris, c'est des trucs en mode, t'as le doyen qui va aller voir les élèves en mode, qui faisait une AG, du coup, avant les examens, qui balançait en mode, genre, en gros, t'as des étudiants qui veulent exprimer ce qui s'est dit à l'AG au micro. En plus, ça, c'était ceux de Tolbiac, c'est les ceux de Tolbiac, donc c'était à Rungis, en gros, dans un espèce d'entrepôt énorme entre les avions, les allers-retours des avions de Orly et les allers-retours des camions qui font Rungis. Enfin, c'était un gros n'importe quoi. Et du coup, il voulait dire au micro que du coup, il voulait pas composer. Et le doyen a clairement dit au micro, oui, c'est ça, il voulait aussi me cirer les pompes. Et juste après, il était les voir en disant, de toute façon, vous une demande de petit merdeux, vous mériterez ce que vous mériterez. On va vous dégager des universités, vous n'avez rien à faire ici, quoi. Et c'est plein de petites menaces comme ça, à droite, à gauche, dans toutes les facs en général, en fait, qui s'est passé. Et en fait, ils n'ont aucune réponse à ça, à part la répression et la pression. Et voilà, par exemple, entre autres, enfin, j'ai pas tout dit, mais c'est tellement énorme ce qui s'est passé un peu partout. Bah ouais, carrément, mais c'est fou. Et c'est vrai que, bah, on n'en entend pas beaucoup, beaucoup parler. Enfin, il y a eu quelques articles, évidemment, dans la presse là, sur les blocages des partiels, mais c'est très succinct, alors que c'est un mouvement quand même vraiment d'ampleur et qui dure depuis longtemps. Bah, et qui va avoir des sacrées conséquences aussi. Qui dure, quoi, depuis les mouvements de solidarité avec les exilés, en fait, dans les facs, bah, en fait, chez en général. Nous, oui, en tout cas. Genre Nantes, Lyon, Grenoble, ouais, ou Paris, en fait. C'est directement en lien avec ça, en fait. Faut pas le cacher, en fait. Et que les tensions avec l'administration sont arrivées là, en fait. Et est-ce qu'on n'a pas un peu peur que ce soit le dernier mouvement étudiant? Parce qu'avec cette loi de sélection, là... Mais je pense pas. Parce que justement, je trouve que là, on est vraiment dans un changement de... En fait, déjà, depuis plusieurs années, en fait, t'as... Vas-y, si tu veux... Ouais. Depuis plusieurs années, en fait, t'as vraiment déjà un changement au niveau de, bah, du coup, des gestions d'université, des lycées, des écoles, et que du coup, t'as vraiment ce truc de contrôle total et de répression qui se fait petit à petit. C'est vraiment petit à petit. Et aujourd'hui, c'est vraiment un truc qui éclate au grand jour avec le truc de vraiment ultra gestion, genre managériale des facs, des lycées, et que du coup, là, les gens, toute personne qui essayait de s'organiser et de contester le pouvoir, se sont pris plein la gueule. Mais c'est en mode guerre de basse intensité. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut se passer? Mais du coup, t'as un truc de changement total, surtout dans les universités, genre vraiment genre d'univers, en fait. Genre, là, le fait d'instaurer la sélection, là, on sait qu'ils vont baisser les bourses, on sait qu'ils vont faire payer les licences, que les masters payants vont commencer à être de plus en plus courantes. Mais le truc le plus fort, c'est vraiment la rupture entre la classe professorale et les étudiants et étudiantes qui se mobilisent et ceux qui sont autour, en fait. C'est vraiment genre une grosse rupture. C'est-à-dire, en gros, bah, maintenant, les flics peuvent rentrer tranquillement dans les facs, l'administration peut faire pression, peut amener des conseils de discipline. Là, par exemple, le camarade professeur qui disait à Nantes, là, qui s'en prend plein la gueule, là, avec les commissions de discipline, etc., qui expliquait que ça fait 35 ans qu'il n'y a pas eu une commission aussi vénère que ça contre des professeurs. Et en gros, ouais, donc répression administrative très forte, intimidation, fichage d'étudiants, menace de se faire exclure de toutes les facs, en fait, menace de perdre les bourses, menace contre des personnes de syndicats étudiants qui s'investissent aux côtés des étudiants de façon concrète. Menace, ouais, de couper du coup les ponts avec genre notamment l'UNEF Nantes, qui a plein de menaces parce qu'ils sont investis dans les mouvements et avec les exilés et avec les étudiants, des professeurs qui soutiennent pas, qui ferment les yeux, qui en ont rien à foutre, qui sont dans le déni, des violences et des intimidations, et qui restent dans leur coin et bien à leur place, en fait. Et là, ça crée vraiment une grosse scission, notamment à Nantes. Je vais finir là-dessus. Genre, dans l'univers d'histoire, t'as une grosse scission et des profs qui se foutent sur la gueule par rapport à ça, en fait. Ça crée une scission totale au sein de l'UFR d'histoire entre ceux il faut quand même les soutenir par rapport à ça, et d'autres, non, il faut rien faire, faut fermer les yeux. Et d'autres qui disent carrément, si, ils l'ont bien mérité, quoi. Et ça s'est vu par, genre, le directeur, enfin, t'en as plein qui, genre, t'en as un prof qui est venu nous voir, les limites, les larmes aux yeux, en disant, c'est n'importe quoi ce qui est en train de passer, c'est genre, le futur, ce qui va se passer en université plus tard, c'est genre, c'est quelque chose, en fait, d'ampleur qui se crée. Déjà, bon, ok, il y a la peur, mais en fait, je suis tellement énervé ce qui est en train de se passer que un jour ou l'autre, ça éclatera, en fait. Et du coup, là, le mouvement étudiant sur Nantes, par exemple, s'est pris pas mal de trucs de répression. Là, il y a les examens qui arrivent, mais est-ce que ça peut un petit peu couper bah, la mobilisation contre la loi ORE et Parcoursup, où c'en est depuis l'expulsion début mai de la fac de Nantes? Ouais, bah, il me semble que les examens, ils arrivent pas, ils sont passés, ils sont à peu près tous finis, si je ne me trompe pas. Ouais, ils sont tous finis. Et donc là, on est plutôt dans un truc de l'année universitaire est finie. Et en fait, là, on vient de se retrouver à plus d'une cinquantaine d'étudiants. Pour justement parler de qu'est-ce qu'on veut continuer à faire vivre et de pour nous la lutte est pas morte, quoi. Et par contre, est-ce que la lutte va continuer à être axée sur la loi ORE? Pas forcément, parce que c'est un mouvement social, comme tous les mouvements, ça s'arrête à un moment, et ça s'arrête avec le calendrier universitaire, et c'est assez logique. Mais l'an prochain, il y a un truc qui se prépare à la fac et qui devrait être assez enthousiasmant et assez énergisant. Il y a vraiment plein de volonté du côté des étudiants de continuer à faire de la fac un lieu de vie et de lutte, et qu'il ne soit pas juste un lieu morne d'apprentissage de plus en plus formaté, de plus en plus sélectif. Et donc ouais, il va y avoir des luttes qui continuent très très certainement autour de peut-être encore aussi de la loi ORE, mais pas seulement quoi. Est-ce qu'on a des nouvelles des lycéens lycéanes aussi, et par rapport à Parcoursup, ça donne quoi? Ouais, juste bon, après je viens répondre si tu veux, mais juste pour compléter ce que tu disais, c'est que t'as vraiment ce truc d'apprendre. En fait, c'est genre génération genre étudiante et lycéenne qui se bougent depuis quelques années, c'est plus ou moins les mêmes en fait qui sont bougés par rapport à genre Leonarda, par rapport à 2016 au le travail, par rapport à du coup maintenant l'OERE, enfin c'est plus ou moins les mêmes générations globalement entre genre début lycée et fin de la fac, genre licence master, plus ou moins les mêmes personnes. Et du coup t'as vraiment ce truc d'apprendre que comme tu disais en fait très bien, c'est genre les mouvements ont une fin, sont faits pour mourir. Et que du coup vraiment t'as ce truc de notamment genre à Paname là ils se chauffent de ouf pour construire une université, mais genre la construire entièrement. Ouais, je sais pas qu'est-ce que ça a donné, mais genre même dans plusieurs facs en fait on rentre dans un truc de ok, on sait qu'un mouvement qui barre sur un truc de spontanéité, là on n'arrivera pas à les faire bouger. On n'arrivera pas à les faire bouger parce que la gauche est morte, parce que les forces révolutionnaires en France sont mortes ou n'existent quasiment plus, et que du coup maintenant il faut s'organiser. Et que c'est ce qui se passe dans beaucoup de facs, j'ai l'impression. C'est que maintenant, il va falloir remettre. En fait, c'est là en fait ce qui manquait justement dans les mouvements universitaires ces derniers temps, genre notamment celui-là. Vraiment, c'est de critiquer le manque de critique d'université en fait, qui est genre clairement un truc comme tu disais, genre de formatage en fait sélectif, mais un truc de formatage en fait bourgeois en fait, qui est là juste pour que genre on va prendre les prolétaires les plus genre aisés entre guillemets, ceux qui ont l'accès le plus à la culture, etc., pour les mettre dans les facs. Les autres, on les fout direct au travail dès 16 ans. Mais ceux-là, du coup, on va les former, on va les bien les cadrer pour qu'ils fassent des cadres, en fait, à la société capitaliste, en fait, et qu'ils permettent, en fait, de faire tampon. Et genre, nous, en fait, enfin, moi, personnellement, je veux me placer justement contre ça et utiliser la fac comme un outil d'organisation politique et sortir de la fac avec, du coup, tous les jeunes précaires et pauvres, en fait, qui sont hors des facs ou qui sont dans les IUT ou des trucs comme ça, en fait. Et je pense qu'il y a, en tout cas, des gens à Rennes, notamment, ça prend vachement ces idées-là de s'organiser, continuer à organiser et qu'il n'y a que en s'impliquant vraiment tous les jours au quotidien qu'on arrivera à faire quelque chose pour faire plier Macron, et la loi ORE fait bien sûr partie de ça en fait. Et du coup vous aviez mis en place un petit peu aussi une université populaire à la fac comme dans d'autres précédents mouvements aussi, c'est quand même une idée souvent qui va avec, enfin voilà, quand on se positionne contre les lois qui nous tombent dessus en général, il y a aussi une réflexion de fond derrière. Où les gens, évidemment, ils défendent une autre idée de l'éducation ou de l'université ou du partage de savoir. Ça s'est bien passé pour vous? C'était un gros craquage. Hein. Ouais. Bah, en tout cas, à Nantes, c'était pas le truc, quoi. Enfin, il y a eu des essais. Mais moi, je trouve que c'était pas. Enfin, ça a pas trop marché. Ça a marché un petit peu vite fait au début, mais en vrai, en tout cas, à Nantes, c'était plus vraiment. La fac était vraiment plus un outil d'organisation politique avant. Qui est déjà important, en vrai. Hein. Ouais, mais c'est intéressant de voir ça. Genre la problématique, genre par rapport à 68, genre les facs c'était plus en mode oui, il faut libérer de l'autorité, blablabla. Mais genre ça restait quand même une fac bourgeoise. Et là t'as vraiment genre plein de mots d'ordre dans tous les universités en mode oui, il faut les ouvrir. Et c'est venu avec justement encore une fois, ces mots d'ordre sont venus encore une fois des facs qui sont bougés sur les questions des sans-papiers en fait. Voilà. Et les lycéens, lycéennes alors? On n'a pas de nouvelles? Bah, c'est compliqué. C'est très compliqué, encore une fois. Du fait encore de la répression qui est très, très, très, très forte. Là, on l'a vu ces derniers temps, en fait, même ces dernières années, en fait, dès que des lycées tentent d'être bloqués, de se mobiliser, la police est limite une heure avant eux, voire même deux heures avant eux, en fait, pour les accueillir. Donc, c'est quasiment. En fait, c'est un des seuls moyens de mobilisation, en fait, d'opposition en fait de la part des lycéens et des lycéennes, c'est de faire un blocage de lycée. Et sauf que c'est du coup un point d'action qui est genre de plus en plus impossible à mener, en tout cas dans les grandes villes. Je sais qu'à Tours, ils étaient hyper déter. Tellement déter d'ailleurs que la plupart de leurs lycées étaient bloqués et que du coup les fascistes, donc de l'Action française, ont même poignardé une lycéenne justement qui était connue parce qu'elle bloquait. Ah ouais, carrément. Ouais, voilà. Moi, ça n'a pas fait du tout de scandale. Donc, normal, ouais. Un fasciste qui poignarde une lycéenne. Poignarde une gens, c'est tout à fait normal, voyons. Bref. Mais du coup, là, donc t'as le facteur et fasciste et du coup le facteur police, du coup, qui réprime directement. Et ça a atteint des sommets avec les lycéens d'Arago qui ont tenté d'occuper leur lycée. Et pour y tenir une assemblée générale avec des professeurs et des étudiants et des lycéennes. Et bah ouais, bah comme vous avez sûrement dû voir d'ailleurs, bah du coup ils sont fait tous arrêter en l'espace de quelques heures. Des vidéos où t'as vraiment genre les policiers viennent là pour humilier les jeunes en mode les mains en l'air, mettez-vous à genoux, on se tait, tout le monde en rang. La cour de récré quoi. Des petits, ils te rappellent ta place. Des fessées avec les matraques, les ferme ta gueule. Et du coup les gens étaient enfermés des heures et des heures. Sans eau, sans nourriture, sans rien du tout en fait. En mode vraiment parkage dans des bus. Ça fait vraiment bizarre. Ouais, c'est clair. Et t'as vraiment. Moi, personnellement, ça me fait penser. Enfin, ça. Ouais, c'est trash. Ça hein. fait sortir un imaginaire bien dégueulasse. Genre, ouais, ouais. Genre tout le truc en fait. Genre, j'ai vu il y a pas longtemps un film sur le coup d'état de Pinochet. Et tu vois vraiment le truc de genre. Des lycées, des facs et tout qui étaient occupés, tout ça contre le coup d'état, bah, ils arrivaient avec des gros camions et ils foutaient tout le monde dedans. Bon, bref, on n'en est pas là encore, mais bref. En tout cas, il y a aussi des gros mouvements dans plein de facs là, à l'étranger. En tout cas, c'est sûr que la place des universités et des étudiants, étudiantes en général dans les mouvements sociaux est très importante quand même. Enfin, pas seulement celle des étudiants, mais souvent quand même. Les universités jouent des rôles importants et là, bon. Il se passe plusieurs trucs dans plusieurs pays dont on parlera plus tard. Et... Surtout que genre. Dans les universités, ouais. Mais ouais, mais surtout que genre là, on nous fait croire, c'est genre en mode oui, mais 68, c'est des étudiants, c'était mondial et tout. Ça, c'est pareil. Enfin, il y a au Chili un mouvement énorme qui est un mouvement. Nicaragua aussi. Un mouvement féministe, donc qui est quasiment essentiellement féministe, du coup. Génial. Les facs sont occupées et tout, genre par les meufs, en fait, concrètement, quasiment toutes. Il y a en Colombie, les mouvements d'étudiants contre, par rapport à là, il y a le risque qu'il y ait un président d'extrême droite qui arrive au pouvoir et qui donne encore une fois les pleins pouvoirs aux paramilitaires. Du coup, il y a Colombie, il y a, il me semble, en Côte d'Ivoire, il y a encore aux États-Unis également, avec les mouvements genre anti-Trump, c'est toujours hyper d'actualité, les mouvements des mouvements dans les facs aux États-Unis. Au Mexique, les étudiants sont toujours hyper mobilisés. Du coup, maintenant en France. Il y a eu également aux Philippines avec le mouvement de révolution maoïste là, qui est en train de se construire, il y a des facs qui commencent à rentrer en jeu. Il y a il y a aussi c'est pas parce que ça fait que quelques années que ça existait, mais des révolutions arabes, les points centrales c'était les universités. Universités dans tous les pays du Maghreb, bah je suis désolé, c'est pas mort maintenant. Bon, il y a une grosse répression du coup, mais genre c'est un phénomène aussi encore une fois genre international en fait. Et les mouvements que j'ai cités, à part dans les révolutions arabes, c'est également contre la montée d'un autoritarisme, la montée de fascisme et la sélection à l'université. En fait. Ouais, et l'accession à l'accessibilité à l'université populaire et pour toutes et tous. Et c'est des mots d'ordre qui sont absolument partout, en fait. Donc faut arrêter de dire que oui, blablabla, c'est isolé, tout ça, non. Non, mais c'est la même logique capitaliste partout et finalement, c'est les mêmes réactions partout. Dans un sens, c'est rassurant qu'il y ait des réactions partout à cette logique. En fait, personne n'en veut, quoi. Voilà, c'est que les élites qui la défendent et qui l'imposent. Et les peuples y réagissent, quoi. Et bah, merci, c'était cool en tout cas d'avoir toutes les infos. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu voulais rajouter des trucs ? Non, à part que c'est trop chouette et que là, on rentre dans un. Malgré toute la répression qu'on s'en prend plein la gueule, les gardes à vue, les gens en prison, les gens mutilés, les gens tués, là, il y a des lignes qui bougent, vraiment, clairement. Notamment avec les camarades qui luttent dans les quartiers populaires qui s'en prennent plein la gueule. Des choses qui bougent à Paris, autour de Paris. Il y a des choses qui bougent à Nantes, à Rennes, à Toulouse. C'est loin d'être fini. Et il faut se dire qu'on est au début de quelque chose. Parce que depuis quelques années, on construit. Et il n'y a que comme ça qu'on arrivera. Voilà. Alors ce n'est qu'un début, continuons le combat, tout ça. Bah, merci en tout cas. Bonne soirée. Peut-être on va passer un peu de musique. Et on revient. Partage de la FM. Partage du temps. Et des séries rares. part du lendemain, du fric et de la loi hier. Et s'il y a un matin, de ne point sortir des mains. Alors là, alors la machine s'arrêta. C'est toujours Radio Cayenne. Allez, alors, on enchaîne en vous causant des luttes des exilés. Donc, c'est un petit peu les dernières news, comme ça, à la va-vite, hein, désolé, mais quand même, c'est toujours intéressant, même si je prépare pas toujours tout bien. Bref, du coup, d'abord, je vais commencer un petit peu par les nouvelles de Nantes. Du coup, depuis le 8 mars dernier, les exilés qui n'ont pas de toit à la rue, tout ça, ont investi... Juste pour resituer, le 8 mars, c'était l'expulsion de la fac de Nantes. Oui, voilà. Ouais. Depuis le 8 mars, en fait, ils ont investi l'ancienne EHPAD de Bréa, puisqu'ils se sont fait expulser de la fac et du château la veille. Donc voilà, et donc ça fait que plusieurs mois là que les gens sont à l'EHPAD de Bréa. Donc je vais commencer par vous lire un article trouvé sur indymedia.org, et du coup voilà, pour qu'il resitue un peu la situation et ce qui se passe depuis, même si c'est pas un article très complet et qu'on espère que de prochains articles vont arriver. Du coup, en quelques mois, le lieu s'est bien rempli, tant les besoins en termes de logement des exilés dans ce foutu pays est incroyable. Ainsi, avec ou sans papier, mineurs, majeurs, isolés ou en famille, avec ou sans emploi, en demande d'asile ou non, ce sont au moins 350 personnes qui s'entassaient à Bréa. Aujourd'hui, une association est chargée par la préfecture de reprendre la gestion du lieu. Donc en fait, l'association, c'est France Horizon. Et du coup, officiellement, elle reprend en main l'EHPAD. Jusqu'à ce que les gens en fait soient relogés ailleurs, parce que cet EHPAD, normalement, le projet qu'il y a dessus, c'est qu'il doit devenir un foyer de jeunes travailleurs. Et ça, depuis le début, en fait, hein, ça a toujours été ça. Il était vide en attendant ces travaux-là. Et du coup, la mairie a, voilà, et la préfecture n'ont absolument rien changé à ça. Donc c'est toujours ce projet-là en fait pour ce bâtiment, sauf qu'à un moment il va falloir que les travaux commencent et que du coup il va falloir évacuer les gens. Et que l'évacuation des gens elle est prévue pour septembre a priori, et que pour l'instant ce qu'a dit la mairie et la préfecture c'est en gros France Horizon gère ce lieu qui ne devrait pas normalement abriter plus de 120 personnes en attendant leur expulsion pour commencer les travaux. Et bien sûr, personne ne sera laissé à la rue en septembre. On ouvrira un nouveau lieu, mais d'une capacité d'une centaine de places pour accueillir les gens. Alors, il faut savoir que voilà, il y a au moins 350 personnes qui sont à Sabria, que l'association France Horizon, elle a procédé à des enregistrements et qu'elle a enregistré quelques 500 personnes, a priori. Donc, probablement, il y a à peu près 500 personnes qui gravitent autour de cet EHPAD, même si probablement les 500 n'habitent pas sur place en permanence parce que c'est juste pas possible, mais voilà, il y a au moins 500 personnes en tout cas qui cherchent un toit, sachant que on sait quand même aussi qu'il y a au moins une centaine de personnes qui auraient refusé de s'enregistrer et qui pourtant sont des habitants, habitantes de l'EHPAD. Donc bref, c'est le gros bazar et on n'a aucune garantie en fait que les gens vont avoir un logement et ce lieu qui est censé ouvrir en septembre, il comporterait que 100 places et c'est pas sûr qu'il ouvre un jour. Bref, je suis désolée, hein, j'ai coupé la lecture de l'article pour donner les précisions, mais voilà. En gros, c'est à peu près ce que ça dit, de toute façon. Et du coup, l'article apparemment date du 28 mai, et donc ça disait qu'il y avait une réunion entre la préfecture et les associations, et voilà. Et donc ça disait aussi, hier, un début d'incendie s'était déclaré dans le garage de l'EHPAD. Un feu éteint avant même l'arrivée des pompiers, sans gravité, mais qui a permis de faire évacuer le bâtiment. La veille déjà, avec la mise en place d'un tri à l'entrée, effectué par une boîte de sécurité, nombre d'exilés et de soutiens avaient haussé le ton et obtenu à plusieurs moments des entrées, d'accéder aux affaires, de trouver des solutions de relogement, etc. Hier, ce sont donc 8 camions de gendarmes mobiles qui ont été envoyés pour sécuriser la réinstallation des évacués de Bréa. Sécurisant entre guillemets, hein. Sur présentation de leur carte bien sûr, donc tri, donc plusieurs dizaines de personnes sur le carreau. Donc voilà ce qui se passe, c'est qu'en fait il y a énormément de monde dans cet EHPAD, que cette association qui reprend, elle est en complète complicité là avec la préfecture, enfin elle est aux ordres de la préfecture, et son but c'est de vider l'EHPAD petit à petit, que de 500 à 350 personnes, on passe à une centaine de personnes. Et donc pour ça, bah évidemment, ils essaient de trier. Sauf que les gens sont dans le bâtiment, donc c'est compliqué. Donc un des moyens de trier, bah, c'est d'évacuer les bâtiments. Et puis ensuite, de trier les entrées sur présentation de papier. Et donc c'est ce qui s'est passé là, ce jour où il y a eu un semblant d'incendie, un départ d'incendie. Voilà, donc il y a eu quelques articles dans les journaux, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir un point de vue plus du point de vue des gens qui luttent et qui soutiennent ou qui sont là-bas. Voilà, dans l'après-midi, dans la soirée et dans la nuit, des soutiens sont passés dire leur colère. Ainsi, une cinquantaine de personnes, exilées et soutiens, ont passé la nuit devant Bréa, devant les forces de l'ordre, se relayant pour trier l'accès à ce lieu d'occupation, qui était populaire, jusque-là sans gestionnaire, certes très imparfait, mais accessible sans condition. Les gens sont restés face aux flics jusqu'à 7h du matin. Des exilés ont dormi dans la rue même. Pour le moment, la plupart des relogements qui ont eu lieu sont des relogements temporaires, quelques nuits d'hôtel. Voilà pour l'article. Et donc, depuis, ben, c'est arrivé plusieurs nuits, ce genre de choses. Quand c'est pas les flics qui sont là jusqu'à pas d'heure, ben, c'est juste la boîte de vigile, mais ils sont en bon nombre, avec des barrières, etc., pour trier les entrées. Il y a un jour où ça a beaucoup gueulé entre vigiles et soutiens immigrants, tout ça. Et où du coup, il y a des gens qui se sont fait gazer. Il y a aussi eu des bagarres entre les gens, avec plusieurs blessés au couteau à un moment. Ça a aussi servi de prétexte à une... Enfin, de prétexte. Ça a servi aussi du coup à faire intervenir les keufs dans le bâtiment, à vider aussi le bâtiment, enfin voilà. À ce que les flics rentrent, fouillent les affaires et essaye de faire des interpellations. Donc bref, il y a une pression comme ça qui monte autour de Bréa depuis que l'association a repris. Une pression qui incite en fait les gens à partir, quoi. Déjà que les conditions n'étaient pas forcément merveilleuses, vu que beaucoup de monde s'entasse dans un trop petit lieu, ça fait beaucoup de problèmes, quoi. C'est évident, la promiscuité comme ça. Et donc là, bah en fait, le but, c'est de faire en sorte que les gens partent petit à petit. Et donc, il y a quelques relogements, comme on disait, mais c'est quasiment que des relogements temporaires. Et on n'arrive pas trop à savoir encore aussi sur le côté inconditionnel, puisque, comme c'était dit en début d'article, il y a des gens avec des situations très, très différentes. Donc, par exemple... Parmi les gens qui ont refusé de se faire enregistrer par l'association, c'est beaucoup les Dublinais. Parce que alors les Dublinais, c'est les personnes qui ont laissé leurs empreintes en fait dans leur pays, dans le pays d'entrée en Europe, en général en Italie ou en Espagne, mais souvent en Italie. Et du coup, ils sont obligés normalement de déposer leur demande d'asile là-bas. Sauf que ça n'a pas de sens, évidemment. Enfin, par exemple, tous ceux qui viennent des pays francophones, ils veulent demander l'asile en France, ce qui est assez logique. Et ben voilà, si tu as déposé tes empreintes en Italie avant de venir en France, tu peux pas. Et donc, à chaque fois qu'ils viennent en France, bon, il y a des procédures, tout ça, et ils finissent par être normalement expulsables, on va dire, mais expulsables en Italie, quoi. On les renvoie en Italie, par exemple, en Italie, en Espagne, voilà. Et donc, ces gens-là ont refusé de s'enregistrer parce qu'ils savent qu'ils risquent l'expulsion de toute façon. Alors, il y a tous ceux qui sont aussi menacés d'expulsion hors Europe, de retourner du coup dans leur pays, etc. Enfin voilà, il y a plein de personnes qui sont dans des situations où, pour eux, ça craint un petit peu de se faire enregistrer et qui du coup avaient peur de se faire rafler tout simplement, quoi, et ne se sont pas enregistrés. Et du coup, tous ceux qui ont réussi à obtenir des logements, on ne sait pas c'est quoi leur situation, mais très probablement, c'est ceux qui avaient le plus déjà le droit à un logement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens, là, ils sont pas logés, mais en fait, normalement, l'État est tenu de les loger, la plupart. Parce que tous ceux qui déposent une demande d'asile, par exemple, normalement, l'État est tenu de les loger pendant leur demande d'asile. Parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler, ils ont le droit à rien pendant tout ce temps-là. Du coup, l'État, il est censé leur fournir un logement. Pareil pour les mineurs, toutes les mineurs isolés sont censés être logés. Voilà. Et bref, il y a plein de... Parce que là, à Bréa, on avait aussi beaucoup de gens, ils avaient des fois des papiers, hein. Mais des papiers pour quelques mois, pour quelques... Il y en a, ils travaillent. Voilà, il y a des situations très différentes, mais même avec des papiers temporaires, même avec un boulot, en fait, il y en a plein qui n'arrivent pas à trouver de logement. Déjà que c'est pas facile pour... les blancs, blanches, précaires, là, de trouver des logements. Alors, imaginez pour les exilés, c'est encore pire. Donc voilà, enfin, en tout cas, on ne sait pas trop où ça en est, tout ça. Pour vous tenir au courant, vous pouvez consulter nantes.indymedia.org, mais plutôt le Facebook du CRAN, du Comité de Réquisition et d'Action Nantais, et puis autrement, le site nantes.avec-les-exilés.info. Ça, c'était la situation sur Nantes, mais elle nous rappelle très franchement les autres situations dans les autres villes, dont on va parler après une petite pause musicale. We'll be right back. vive Radio Cayenne et vive vous, vous êtes plus d'une cinquantaine à nous écouter ce soir, c'est incroyable quoi, ça arrive jamais. Alors on vous dit bravo, vous êtes trop forts, vous êtes trop fortes. D'autant plus que c'est une cinquantaine de connexions, hein. Si vous êtes 10 derrière un seul PC, ça se multiplie. Ah là là, c'est merveilleux. Bon, on espère que c'est pas juste un bug de l'affichage sur notre PC, mais bon. En tout cas, on continue du coup sur les situations des exilés, des luttes des exilés en ce moment. Et donc, on a parlé un peu de Nantes. J'espère que c'était pas trop fouillis. Et du coup, il se passe un peu la même chose ailleurs en France, notamment à Lyon. Du coup, les dernières nouvelles de Lyon, c'est l'expulsion du squat La Cabane, où il y avait une cinquantaine de mineurs isolés à la rue. Voilà. Donc, les infos qu'on a, c'est un mini-article sur rebellion.info. Qui dit « Alors qu'une procédure du GEX, donc c'est le juge d'exécution là, des peines, était en cours pour trouver une solution pérenne pour les 50 mineurs isolés résidant au squat de La Cabane, la préfecture et la mairie de Lyon, comme d'habitude, n'attendent pas la fin de cette procédure pour expulser. De ce fait, elle est dans l'illégalité en ne les prenant pas en charge comme la loi l'y oblige. » Donc voilà, à Lyon, mais de toute façon, depuis la fin de la trêve hivernale, hein, les expulsions s'enchaînent un peu partout. Et donc à Lyon, carrément, ils ont fait fi de la procédure, ils n'en ont eu rien à foutre, ils n'ont même pas attendu la fin de la procédure pour mettre les gens à la rue, déjà sachant qu'effectivement, du fait de leur statut de mineur, ils devraient déjà être de toute façon pris en charge par le département. Ce qui n'est pas le cas, donc c'est déjà en fait les pouvoirs publics qui sont hors la loi. Et en plus d'être hors la loi, non contents de ça, ils se mettent encore en plus hors la loi, en expulsant du coup les squats, la seule solution que les gens ont trouvée pour pallier au manquement du coup de l'État. Donc ça c'est quand même assez fort, mais enfin assez classique quoi. Et puis bien sûr à Paris, il y a les démantèlements de différents camps, mais ça vous en avez peut-être un peu plus entendu parler parce que ça a plus de visibilité dans les médias, hein, vu qu'il s'agit de la capitale, bref. Et donc on va lire un petit article qui a priori vient de France Info, et qui est aussi republié sur la page du CRAN. Donc, après le camp du millénaire mercredi dernier, ce sont deux campements, celui du canal Saint-Martin et celui de Porte de la Chapelle, qui ont été expulsés mercredi matin. Les médias et le ministère de l'Intérieur parlent de mise à l'abri. Une vaste farce, alors qu'on sait que cette opération est destinée à la mise en place d'un contrôle des situations juridiques et administratives des exilés. En résumé, faire le tri entre les personnes. Pour celles et ceux qui ne rentrent pas dans les cases cochées par le droit français, ça sera très probablement des mises en détention dans les centres de rétention administratifs et des expulsions pour les Dublinés, dont on parlait tout à l'heure, et les OQTF, c'est-à-dire les personnes ayant reçu l'obligation de quitter le territoire français. Peut-être on rappelle les Dublinés, c'est les personnes qui sont rentrées, qui ont laissé leurs empreintes dans leur pays d'entrée en Europe, souvent l'Italie ou l'Espagne, et qui sont censées retourner là-bas pour faire leur demande d'asile, et qui ne peuvent pas la faire en France, en tout cas, enfin, il y a des procédures, c'est un peu compliqué. Je ne pense pas que l'article que je viens de lire venait de France Info, je pense que le lien vers France Info, c'est sur un autre article, parce que vu le ton, ça m'étonne un peu. Enfin bref, voilà. Si vous voulez plus d'infos, vous en trouverez sûrement sur Paris Lutte Info. Et puis sinon, il y a un site qui s'appelle Info Migrant, qui est pas trop mal, bon, qui est beaucoup plus, je sais pas comment dire, mainstream, quoi, mais où il y a des infos assez détaillées sur ce qui se passe par rapport aux situations des migrants. Et donc, bah là, ce qui se passe à Paris, c'est un petit peu la même chose qui s'est passé à Calais, en beaucoup plus petit, hein, évidemment, un petit peu la même chose que ce qui se passe avec l'EHPAD, mais en un peu plus gros cette fois-ci. Enfin bref, en tout cas, les campements, il y avait des campements de gens installés auprès du canal et tout ça, enfin en tente plutôt, voilà, c'était vraiment du campement très précaire et insalubre effectivement, mais bon, voilà. Et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils ramènent les flics, ils démantèlent, ils évacuent les gens et ils envoient une partie des personnes dans des CAO, dans les centres d'orientation, là, comme ils avaient fait par rapport à Calais. Et donc là, ils dispersent les personnes dans différentes structures en région parisienne pour évaluer leur situation. Donc en général, ça veut dire de l'hébergement pour 2-3 mois maximum, quelque chose comme ça. Et du coup, avec un gros contrôle et un gros fichage administratif. Donc, effectivement, comme à Nantes, en fait, tous les gens qui sont dublinés, là, dublinables, tous les gens qui sont expulsables, en fait, ils vont pas monter dans ces bus. Ou s'ils montent dans ces bus, c'est le risque pour elles et eux, effectivement, de se faire renvoyer en centre de rétention, etc. Donc, bah là, vous voyez, par exemple, le camp près du canal Saint-Martin, c'était 550 personnes. Voilà, celui d'avant, ça, c'était encore un peu plus, je crois. Donc, en fait, là, ça représente, je pense, au moins un millier de personnes, en fait, cette semaine. Enfin, en une semaine, là, en une ou deux semaines, qui ont été expulsées de Paris, de leur campement. En fait, les villes, elles ont tendance à faire ça aussi, là, les métropoles, avant l'arrivée des touristes et des beaux jours, là, de nettoyer. Et donc, souvent, ben, ça expulse les camps de Roms, les camps de migrants, les camions du ghetto à Nantes, par exemple, qui étaient dans le Bas-Chantenay, etc., etc. Voilà, en fait, en général, c'est souvent toujours les mêmes populations qui sont visées, toujours les personnes les plus précaires. Et voilà, bah c'est super, c'est la joie, on est trop contents. Et donc, pour remonter un peu le moral, pour terminer quand même, une petite touche positive, et on va aller vers Caen pour avoir des bonnes nouvelles, puisque à Caen, fin mai, au mois de mai en tout cas, un nouveau lieu a ouvert qui s'appelle Le Marais, et donc c'est un squat d'habitation et un espace pour la convergence des luttes. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de dire ? Voilà. Le samedi 28 avril, Le Marais a été officialisé. C'est un squat faisant office à la fois de lieu d'habitation pour les exilés et d'espace de convergence des luttes. Dans un contexte général de précarisation des conditions d'existence et de renforcement des politiques antisociales et sécuritaires, il nous a paru nécessaire d'organiser un espace de convergence de ces luttes et de sortir des logiques de mise en concurrence des précarités. Ce lieu fonctionne en assemblée générale sans hiérarchie, où chaque personne est la bienvenue. Ses bases sont l'antisexisme, l'antiracisme, l'anticapitalisme et contre toute autre forme d'oppression. Différentes activités se dérouleront dans ce lieu, débats, forums, discussions, projections, chantiers collectifs, aide à l'habitation, soirées concerts, cantines, moments festifs, etc. afin d'organiser la convergence. Voilà, donc ça a l'air bien sympa ce petit lieu, donc on fait un big up à Caen et on dit longue vie au Marais. Ça a l'air chouette votre truc et on espère qu'il y aura beaucoup de marais partout pour pouvoir faire de belles convergences entre les luttes des exilés et les autres et entre tout le monde en général. Bref, voilà, je crois que j'en ai fini avec les nouvelles autour des luttes des exilés. Sûrement il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire, mais voilà, c'était un petit point rapide. On se remet de la musique et on revient plus tard. Jean-Pierre Fernand. Pernon. Jean-Pierre Pernon. Ok, donc vous êtes toujours sur Radio Cayenne. On va enchaîner sur une petite info qui nous vient du collectif Dispar. Donc un collectif de jeunes indépendantistes anticapitalistes bretons. Donc à propos de la sortie du film Bécassine qui a lieu normalement le 20 juin 2018. Donc alors selon le collectif, il s'agit d'une pseudo-comédie française potache et soi-disant populaire, qui dès ses premières images en dit long sur l'insulte en termes d'identité et de mémoire qu'il adresse aux femmes et au peuple breton. Reprendre un symbole comme Bécassine n'est pas un choix anodin ou innocent. Ce personnage, qui date de 1905, a été inventé dans les journaux de la bourgeoisie parisienne, qui aime se moquer des individus qu'elle exploite et opprime à longueur de journée. Nous sommes alors à la grande époque de la colonisation, de la francisation forcée. Bécassine, originelle, n'a pas de bouche, car elle ne parle que breton. C'est aussi l'époque des zoos humains dans Paris, des théories de hiérarchie des races, de l'oppression des femmes légales et institutionnalisées, de la stigmatisation de la Bretagne comme pays arriéré vivant en marge de la civilisation. Déni de notre histoire migratoire. Au XIXe et au XXe siècle, c'est par milliers que des Bretonnes et des Bretons quittent leur pays et leur campagne pour partir à la ville, en France, aux États-Unis ou ailleurs. Paris reste de toutes ces destinations la plus symbolique car la plus traumatique. Pour fuir une misère rurale, nos ancêtres partaient alimenter une misère urbaine tout aussi détestable. Finir au bordel, à l'usine, sur les chantiers ou au service de la bourgeoisie, voilà quel était le destin de milliers de Bécassines de l'époque. Une fois sur place, elles pouvaient continuer à vivre pleinement la stigmatisation linguistique, le racisme anti-breton, les oppressions sexistes, en plus de toutes les difficultés habituelles du prolétariat urbain. L'immigration bretonne n'avait rien de la naïveté joyeuse qu'expose le film Bécassine. En plus du mensonge historique, ce film est une insulte à la mémoire de notre peuple, une insulte à toutes les femmes de Bretagne et à toutes les femmes qui connaissent ou ont connu l'immigration. Pas d'insulte plus grande pour les bretonnes. Opprimées parce que femmes, stigmatisées parce que bretonnes, exploitées parce que prolétaires, voilà la seule réalité qui s'applique à Bécassine. Si vous voulez montrer Bécassine à l'écran, laissez-la parler, montrez ses souffrances et ses révoltes. Si vous voulez montrer ses idioties, maladresses et naïveté, nous allons vous montrer que les petits-enfants de Bécassine n'ont plus peur d'exprimer des révoltes restées trop longtemps muettes. Par ailleurs, sortir de ce film au début de l'été, en saison touristique, ne tient pas du hasard. Faire du fric en vendant une image dégradante de la Bretagne au flux massif de touristes qui affluent sur nos côtes, voilà un projet que nous ne pourrons laisser passer sans réagir. Nous appelons l'ensemble des habitants de Bretagne ainsi que l'ensemble des cinémas à boycotter le film Bécassine. Donc après, il y a une petite note. Pour les salles récalcitrantes qui voudraient tout de même le diffuser, nous annonçons une campagne de boycott actif qui ne prendra fin qu'avec la déprogrammation de Bécassine. Ce film insultant ne pourra passer en Bretagne sans en payer le prix et nous ferons en sorte qu'il soit le plus élevé possible. Donc voilà, nous sommes de celles qui s'organisent, nous ne repasserons plus jamais vos chemises. Très joli slogan que je ne connaissais pas. Mais... Et donc demain à Rennes, donc au Gaumont, à 19h30, il y a un rassemblement donc contre une projection de ce film. Et il sera suivi d'une projection... débat sur le film Nous n'étions pas des Bécassines en présence du réalisateur Thierry Compin à 21h gratuit au café librairie Le Papier Timbré à Rennes. Donc voilà. Est-ce qu'on arrive à trouver la chanson des Sardinières pour aller avec ça? Ce serait tellement parfait. Ça va prendre 10 petites secondes, je pense. Mais Si c'est que ça, les auditeurs auditrices peuvent être un peu patients, non? Il fait beau, hein? Oh ouais, il fait chaud même, hein? Oui, surtout, oui. C'est l'orage en plus. Je crois que j'y suis. Oui, les machines sont un peu lentes ici aussi. Radio Cayenne! C'est,

Hey yo, c'est toujours Radio Cayenne. Petit coup de cœur revanche des hérissons qui passe mercredi prochain. Et après ce petit coup de cœur revanche des hérissons, nous avons un petit coup de cœur brochure trouvé sur indiemedia.org. Hein. Décidément, ce site est plein de ressources incroyables. Et donc, je voulais vous présenter le guide pratique d'autodéfense à destination des personnes menacées d'expulsion de leur lieu de vie. Donc voilà, ça a été publié sur Indiemedia il n'y a pas longtemps, le 31 mai. Et donc, c'est une brochure du collectif anti-expulsion de Lille. Je vous lis l'article. Après plusieurs mois de rencontres, d'échanges, de recherches et d'ateliers entre des personnes directement concernées par les mesures de délogement, le collectif anti-expulsion de Lille présente sa brochure d'autodéfense et d'action collective face aux expulsions, quelle que soit sa manière d'habiter, occupation de terrain, location, squat, résidence étudiante, etc. Donc, cette brochure qui fait plus d'une cinquantaine de pages, il me semble. Donc voilà, le visuel, ça... C'est marqué « Comprendre, se défendre, agir collectivement, avec ou sans loyer, avec ou sans papier, on s'en fout. Guide pratique d'autodéfense et d'organisation collective à destination de toutes les personnes menacées d'expulsion de leur logement et leur soutien, quelle que soit leur manière d'habiter. » Après, bon voilà, c'est ce que j'ai déjà lu. L'objectif de cette brochure est de partager des savoirs et des pratiques permettant de défendre notre droit à vivre comme nous l'entendons face aux projets des promoteurs immobiliers et autres délogeurs de familles précaires. Elles vont de la compréhension et de l'utilisation du droit à des idées sur la manière de mettre en place un rapport de force favorable en cas d'expulsion pour les personnes concernées. Donc voilà, ça a l'air quand même d'une ressource intéressante. C'est téléchargeable sur nantes.indiemedia.org. Alors moi j'ai dit que c'était un coup de cœur, après je ne l'ai pas encore lu, hein, mais je pense que ça a l'air d'être une valeur sûre. Voilà. Donc on vous conseille la lecture de cette brochure, surtout si vous êtes de ces personnes qui font partie de près ou de loin des luttes autour des expulsions. Et puis on va vous parler ensuite plutôt de situations de lutte à l'international. On remet un peu de musique. Oui, les sardinières. Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent. Le bruit de leurs pas dans la rue résonne. Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent. Le bruit de leurs pas dans la rue résonne. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les pleines sardines. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les pleines sardines. À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine. À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Du matin au soir, nettoie les sardines, et puis les font frire dans de grandes bassines. Du matin au soir, nettoie les sardines, et puis les font frire dans de grandes bassines. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire. Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. À bout de fatigue, faut pas s'endormir. Elles chantent en cœur, il faut bien tenir. À bout de fatigue, il faut pas dormir. Elles chantent en cœur, il faut bien tenir. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. usine. Écoutez, ouvrez leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, ouvrez leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Malgré leur travail, n'ont guère de salaire, et bien trop souvent vivent dans la misère. Malgré leur travail, n'ont guère de salaire, et bien trop souvent vivent dans la misère. Écoutez, ouvrez leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, ouvrez leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Écoutez, ouvrez leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, ouvrez leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Un jour tout ensemble ces fameux se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève. Un jour tout ensemble ces fameux se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève. Écoutez, brille leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez, brille leurs sabots, c'est la grève des sardinières. Écoutez, brille leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez, brille leurs sabots, c'est la grève des sardinières. Dans la ville rouge on est solidaire, et de leur victoire les fameux sont fiers. Dans la ville rouge on est solidaire, et de leur victoire les fameux sont fiers. Écoutez, brille leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez, brille leurs sabots, c'est la grève des sardinières. Écoutez, brille leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez, brille leurs sabots, c'est la grève des sardinières. À Douarnenez et depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant. À Douarnenez et depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant. Écoutez, brille leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez, brille leurs sabots, c'est la victoire des sardinières. Écoutez, brille leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez, brille leurs sabots, c'est la victoire des sardinières. Youhou, on est toujours sur Radio Cayenne. Et du coup, on va continuer sur un petit point actu international. Et alors, tu nous parles de quoi ce soir ? Et bah, comme on l'a évoqué tout à l'heure avec le camarade étudiant, depuis le début du mois même depuis avril, il y a un mouvement qui est né au Chili autour des universités et des questions de sexisme. Alors le tout a commencé. Faut que je retrouve l'info. Était une fois. Donc alors la date c'était en avril. Au mois d'avril quoi. Ouais. Le truc où faut pas se découvrir tout ça. Alors d'autant plus que bon. Au Chili c'est pas pareil. Oui, hein. C'est l'automne là-bas. Mais... On est pas très sérieux hein, sur ce début d'info. Ouais mais c'est. On se recentre. Que les infos sont dures à trouver comme ça. Quand le matériel est un peu chiant. Oui, donc voilà, le 17 avril, donc il y a un groupe d'étudiantes de l'université australe de Valdivia, ou Valdivia, je suppose, en espagnol plutôt. C'est à peu près ça, je pense. Dans le sud du Chili, donc qui a décidé d'occuper la faculté de philo et de philosophie et des humanités, je ne sais pas ce que c'est comme matière, mais on imagine, pour lutter contre l'indifférence des autorités universitaires face aux agressions sexuelles au sein de la fac, donc aux plaintes qu'il peut y avoir dans ce cadre-là. Donc 10 jours plus tard, après ce début de mouvement dans cette fac-là, il y a des étudiantes de droit de la prestigieuse Universidad de Chile qui leur succèdent en occupant le campus pour manifester contre la décision des autorités suite à la plainte d'une élève pour abus sexuel, donc celui d'un professeur et ex-président du tribunal constitutionnel Carlos Carmona. Donc le procès interne a rejeté le harcèlement sexuel et a sanctionné le magistrat et professeur par 3 mois de suspension pour une violation à la probité administrative. On ne sait pas trop ce que c'est, hein, mais ça n'a pas l'air d'être super grave vu comme ça, quoi. Rien à voir avec le harcèlement, quoi. Et donc effectivement, c'est pas trop passé. Les Chiliennes sont bien enflammées sur les réseaux sociaux. À l'heure actuelle, il y a à peu près 30 universités qui sont en grève, dont à peu près 15 bloquées. Donc là, à la mi-mai, il y a eu des manifestations monstres là-bas au Chili, notamment dans la capitale Santiago, où il y a eu quand même 150 000 personnes qui sont réunies, et donc 200 000 dans l'ensemble du pays en tout, quoi. Donc voilà, c'est là-bas aussi un mouvement étudiant, alors quasiment non mixte pour le coup. Évidemment, les mecs ont aussi un rôle à jouer, mais pas dans la prise de position, pas dans la visibilité, l'expression. Eux qui sont à l'origine, quoi. Voilà. Donc les revendications, oui, donc portent évidemment sur ces questions de un petit peu l'impunité, que ce soit dans les facs ou dans le reste de la société, vis-à-vis des agressions sexistes. Mais aussi la lutte pour une éducation non genrée, notamment pour éviter de dire aux jeunes étudiantes aller plutôt vers telle ou telle filière parce que de toute façon faut se trouver juste un mari, ça sera l'idéal pour vous. Enfin voilà quoi. Et puis évidemment tout ce qui tient de la culture sexiste tout au cours de l'éducation. Là-bas a l'air de poser beaucoup de problèmes aux gens. Hein. Je pense que ça pose aussi problème ici, mais oui. En gros, elles arrivent à se positionner vraiment sur une lutte anti-patriarcale, quoi. C'est ce que t'entends. C'est ça, dire. Ouais. Et c'est hyper classe. Bah, en plus, oui, ça s'inscrit un petit peu dans un courant international aussi sur le sujet, quoi. Bah oui, avec tout le mouvement MeToo aussi qui avait fait du bruit à l'international, quand même, malgré tout. Et je crois que ça a un peu débuté de là, non, ce mouvement hein. Ça a forcément joué un rôle de précurseur dans ce moment-là, oui, c'est sûr. Ouais. On poursuit sur la Jordanie, c'est ça ? Peut-être on met une musique entre les deux ? Okay, quand même, comme tu veux. Ouais, le temps que je relise un peu. Okay. Thank you. قلب وهزارة ترصص ديني يارا يا برقب وهزارة ترصص ديني يارا Oui, c'est toujours Radio Cayenne. Et vous êtes toujours très nombreux, nombreuses à nous écouter. On vous en félicite. Et on a envie de vous dire, parlez-en autour de vous pour être encore plus nombreux la prochaine fois. Mais en fait, on ne sait pas trop quand ce sera la prochaine fois. Bah si, maintenant on est obligé de faire ça lundi prochain. Ouais, c'est possible. En tout cas, merci à vous de nous être fidèles, tout ça, tout ça. Bref, on va arrêter de rigoler et on va parler de ce qui se passe en Jordanie. Alors d'abord, je commence par avouer. C'est-à-dire que j'avoue que je fais ça un petit peu à l'arrache et que du coup, juste mes sources, c'est RFI. Voilà, je traîne sur le site de RFI et puis je vous donne des nouvelles comme ça. Donc bon, c'est pas non plus un truc très creusé ou très militant, mais ça permet d'avoir un peu des nouvelles du reste du monde. Du fait que ben, moi, en général, RFI, je l'entends dans mes oreilles, comme ça. Ça parle très vite de plein de trucs. Et en vrai, je retiens jamais rien. Et je me dis, oh là là, il y a eu encore des morts quelque part, là. Ça fait beaucoup de fois où j'entends que, ah, oh, manif, oh, 15 morts, oh, machin. Et du coup, des fois, ben, j'ai envie d'aller creuser. Et ben les soirs où il y a radio, je me dis, tiens, c'est l'occasion d'aller voir c'était quoi, là, que les gens y racontaient que ailleurs il se passe des trucs. Il y a des manifs, il y a des morts, il y a des machins. Et ben, je partage ça avec vous. Je sais pas si c'est passionnant, mais j'espère en tout cas que ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Voilà. Bref, bon, enfin, pour ce que sont les nouvelles, elles sont pas très très bonnes, hein, évidemment. Donc là, en Jordanie, en fait, depuis plusieurs jours, il y a des grosses manifs, une bonne grosse contestation. Du coup, chaque soir, bon là, je lis un peu, hein. Chaque soir en ce mois de Ramadan, les gens donc se mobilisent, des rassemblements dans la rue pour dire non à la hausse des prix et au matraquage fiscal. Ce sont des manifestations les plus importantes depuis 2011. Et donc en fait, ce qu'il disait là, c'est qu'aujourd'hui le Premier ministre a démissionné. Et que pour faire démissionner un Premier ministre, et c'est là qu'en fait ça nous redonne de l'espoir de prendre les nouvelles d'ailleurs, il aura suffi, entre guillemets suffi, hein, d'une journée de grève et de trois nuits d'intenses manifestations. Donc voilà! Il y en a qui arrivent encore à faire démissionner leur gouvernement en faisant une bonne grosse grève générale et trois nuits de manif, quoi. La classe, voilà. Donc comme quoi, c'est encore possible et on leur dit bravo. Donc voilà, en fait, c'est les syndicats appuyés du coup par la population en colère qui ont lancé une grève nationale réclamant le retrait du projet de loi fiscale, mais pas seulement en vrai. Et du coup, voilà, ça a été une grosse journée de grève qui a été bien suivie. Et ensuite, toutes les nuits, vu que c'est aussi le rassemblement du Ramadan, là, et ben, toutes les nuits, les gens, ils se rassemblent. Et ils font des grosses, grosses manifs. Et ils sont arrivés, des fois, vraiment juste devant les bureaux, vous voyez, les bâtiments officiels et tout, quoi. Ils sont encadrés et réprimés par la police à chaque fois. Mais ils arrivent à être très nombreux et en fait à vraiment être plusieurs milliers à aller gueuler devant les lieux de pouvoir, etc. Et donc, en fait, le gros de leur contestation, c'est pas que la loi fiscale, c'est aussi qu'il y a eu beaucoup de hausse des prix. En fait, alors attendez, je cherche un petit peu les chiffres, mais ça va me prendre un tout petit peu du temps. Donc, doudoudoudoudou. Plan d'austérité et cherté de la vie. Les sources de la colère en Jordanie. La hausse de l'impôt, effectivement, qui était prévue, gna gna gna. Mais c'est pas ça que je voulais. Et voilà, en début d'année, les subventions sur le pain ont été rognées, le prix du carburant a augmenté à 5 reprises, alors que les factures d'électricité ont connu une hausse de 55% depuis février. Donc voilà, aussi c'est ça, le plan d'austérité en fait qui passe mal. Et en fait ce plan d'austérité, donc c'est des mesures que le gouvernement a passées. Et devinez pourquoi le gouvernement passe des mesures d'austérité ? À cause du FMI bien sûr ! Et voilà, donc en fait c'est ça aussi, c'est que ce pays... Donc, il est endetté tout ça auprès du FMI, comme beaucoup de pays en vrai. Et que du coup, c'est les exigences du Fonds monétaire international qui forcent du coup ce gouvernement-là à passer ses lois d'austérité, comme dans beaucoup d'autres pays. Et comme dans beaucoup d'autres pays, bah, la population, bien sûr, elle réagit. Et elle est très, très, très en colère aussi contre le FMI. Quoi. Vraiment, c'est aussi des manifs contre le FMI. Contre la finance, en fait, c'est vraiment un mouvement anticapitaliste, quoi. C'est un mouvement anticapitaliste, colère contre le gouvernement, voilà. Alors, c'est marqué, ces mesures passent d'autant plus mal que le contexte régional rend la situation intenable. Guerre en Syrie, en Irak, etc., les populations réfugiées augmentent et se fixent dans le pays. Donc, il y a aussi probablement un lien à faire avec l'immigration, quoi. Potentiellement. En tout cas, voilà, mouvement un peu, on pourrait dire, anti-capitaliste, anti-impérialiste, contre la vie chère, etc. Et donc, qui, bah, pour l'instant, a l'air de porter à peu près ses fruits, quoi, puisque le Premier ministre a démissionné aujourd'hui. Maintenant, à voir ce que ça donne, ce que ça donnera la suite, quoi. Voilà, pour la Jordanie. Et après, je vais vous parler du Nicaragua. Bah, je sais pas, je me disais... Peut-être faire un petit point sur le Rojava, vu que c'est un peu lié, justement. Bah, si t'as envie de le faire maintenant, ouais. Bah, ouais. Alors, je te laisse enchaîner. Donc, voilà, là, on... Donc, bah, je vous conseille la lecture notamment du site Rojinfo, donc rojinfo.com. Donc, un site d'information sur ce qui se passe là-bas, au Rojava. Donc, c'est la partie kurde qui est au nord de l'état de Syrie. Donc pour rappeler, c'est les milices kurdes, notamment aidées par des milices yézidis, turcs révolutionnaires, etc., qui ont grandement contribué à vaincre l'État islamique en Syrie, et donc qui ont aussi pris possession de toute cette région-là, donc le Rojava, et donc on... En plus de cette guerre contre les réactionnaires de l'État islamique, ont mis en place un système autogestionnaire, donc un petit peu inspiré par le confédéralisme démocratique prôné par Öcalan, donc le leader du PKK du Kurdistan turc. Donc seulement voilà quoi, une fois on va dire. L'État islamique est un petit peu calmé, c'est le 20 janvier, c'est la Turquie qui a commencé une guerre d'invasion du côté d'Afrin, donc à la frontière turco-syrienne, et qui a donc chassé les milices kurdes de la ville, avec tout ce que cela induit de déplacement de population, donc qui se compte en dizaines de milliers de personnes, voire en centaines de milliers de personnes. Donc là, bon, le site Rojinfo... décrit un petit peu ce qui se passe semaine après semaine là-bas. Je peux vous lire un petit peu ce qui s'est passé dernièrement pour vous donner un petit peu une idée de c'est quoi l'ambiance là-bas. Donc autour d'Afrin, il y a des centaines de personnes du canton qui ont été déplacées de leurs terres et qui font face à des conditions de vie difficiles. Donc l'armée turque et ses alliés de l'ASL, donc l'ASL c'est l'armée syrienne libre, donc qui à l'origine se battait contre le régime syrien, mais qui a surtout fédéré pas mal de milices djihadistes. Donc ils appliquent des politiques de nettoyage ethnique dans cette région-là, d'assimilation et de colonisation. Donc quand on parle de nettoyage ethnique, c'est en gros virer les Kurdes. Et voir, bon, pas que les virer parfois, hein, on va voir ça. Donc il y a toujours de la résistance des YPG et des YPG, donc des unités de protection du peuple et unités de protection de la femme, qui sont des milices non mixtes là-bas. Donc dans le canton d'Afrin, ça continue donc à résister. À Afrin même, l'armée turque et les forces de l'ASL continuent l'occupation. Et bon, les exactions également. Quoi. Donc, selon le Conseil syrien des femmes, 119 femmes ont été enlevées et soumises à des abus sexuels à Afrin. Les groupes de l'ASL ont occupé des maisons d'Afrin et ont demandé d'énormes sommes d'argent en échange de la libération de ces femmes enlevées. Donc voilà. Donc l'AFP notamment montre des personnes déplacées de la région de la Ghouta, donc c'est plus proche de Damas, ça, si je ne m'abuse, donc qui ont été déplacées jusque là-bas, bon, donc pour faire un petit peu de remplacement de population, en gros, quoi. Bon, après, il y a aussi des petites guéguerres entre milices djihadistes de l'ASL pour des guerres de territoire, donc bon, ils sont... Enfin, c'est les fascistes, hein, on sait très bien qu'ils ne sont pas capables de travailler ensemble. Hein. donc voilà. Tac, tac. Donc voilà, bon, il y a... Pom, pom. Ouais, je suis aussi pas mal à l'arrache là-dessus. Ah bah comme ça détonne pas, c'est bien. Oui. Bon... En tout cas, c'est bien d'avoir des infos. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas lu et waouh, c'est horrible. Hein. Bah oui, il se passe toujours beaucoup de choses là-bas. Bon, après, les FDS, les forces démocratiques syriennes, qui donc regroupent notamment les Kurdes au sein d'une coordination des milices là-bas, quoi, sont toujours présentes dans les autres régions et... notamment lutte contre un petit peu l'infiltration des Turcs et des alliés dans les territoires encore non occupés par les Turcs, quoi. Donc c'est aussi tout un boulot de résistance un tout petit peu partout, quoi. Donc voilà. Donc là notamment on peut lire sur Rojinfo que le conseil militaire de Manbij a déclaré avoir capturé plusieurs cellules dormantes turques à Manbij. Donc apparemment, ils auraient été derrière une attaque d'engin improvisé qui s'est produite à la fin du mois dernier. Donc voilà. Bon, je pense que, ouais, si vous voulez vraiment avoir plus d'infos extrêmement complètes sur ce qui se passe au quotidien, je vous reconseille la lecture de rojinfo.com. Il y a un autre site qui est un peu plus général, mais qui traite beaucoup les questions turques sous un angle révolutionnaire et libertaire, qui s'appelle Kédistan. Donc voilà, et qui est multilingue d'ailleurs aussi. Est-ce que on passe jeunesse à Vatride ? Bah carrément. Ouais. Allez. Tu les explosions le soir, pourtant dans le ciel. Et ouais, jeunesse apatride, je sais pas si vous aussi ça vous fait des frissons, mais moi ça me fait ça à chaque fois que j'écoute cette chanson. Bref, pardon. Je viens vous parler du Nicaragua, alors toujours avec mes sources très partielles là, ou partiales, enfin ou les deux, de RFI à l'arrache. Voilà, ouais, c'est ça, je crois que ça fait plusieurs jours là que je me réveille avec ça dans les oreilles. Gna gna gna, encore tant de morts, tant de morts, tant de morts, tant de morts. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe vraiment ? Et donc en fait au Nicaragua, il y a un gros mouvement social aussi contre Ortega là. Donc c'est un président plutôt de gauche a priori à la base ou quoi là, mais à un moment il a voulu faire une réforme des retraites et tout. Ça a déclenché un gros mouvement social dans le pays, notamment beaucoup les étudiants qui étaient mobilisés justement, mais pas que hein. Mais notamment. Et depuis, la réforme a été retirée, mais en fait, le mouvement, il continue à fond. Et en fait, les gens, ils ont l'air de vraiment juste vouloir que ce gouvernement soit destitué. Il y en a qui réclament un peu des élections, mais je pense pas que. Et voilà, en gros, c'est la grosse, grosse crise. Et surtout, j'ai l'impression que ça a beaucoup pris de l'ampleur. Enfin, la réaction, elle continue et elle est forte. Surtout à cause de la répression en fait. Ce mouvement-là contre la réforme, il a connu une grosse, grosse répression policière et paramilitaire. Et du coup, effectivement, avec des morts. Et c'est ça qui fait que aussi, il dure, il prend de l'ampleur et que, enfin, je sais pas s'il prend de l'ampleur. Hein, là, moi, j'interprète peut-être un peu, mais en tout cas, il dure, c'est sûr, et que voilà, la réforme, elle est retirée, mais en fait, les gens, ils continuent d'aller dans la rue parce qu'en fait, il y a plein de gens, ils ont été tués, quoi. Bref, du coup, RFI nous dit « La violente vague de contestation au Nicaragua pour exiger le départ du président Daniel Ortega a fait une centaine de morts depuis mi-avril, selon un nouveau bilan dévoilé le 31 mai. Mais après un mois et demi d'une crise politique profonde, le chef de l'État s'accroche encore au pouvoir. » Donc, voilà, il y a des affrontements régulièrement. Excusez-moi, je suis un peu... Voilà, par exemple, selon le nouveau bilan diffusé par le Centre nicaraguayen des droits de l'homme, les dernières heures de mercredi soir et jeudi matin ont fait au moins 16 morts par arme à feu et 79 blessés. Voilà. Sachant qu'il y a aussi... Enfin là, maintenant, on en est au niveau, vous voyez, on en est au niveau affrontement par arme à feu. Sachant qu'il y avait grosse répression policière et paramilitaire, il y a aussi des groupes qui prennent les armes de l'autre côté. Et du coup, bah voilà, il y a des morts des deux côtés maintenant. Et voilà, la police fait aussi état de 15 morts. Et donc en fait, ça tourne vraiment bah quasiment à la guerre civile. Les gens n'emploient pas encore le terme de guerre civile, mais visiblement, de genre, on est au bord de la guerre civile quand même. Et ça a l'air d'être ouais, bien trash et bien le bazar en fait là-bas. Là, les gens ils disent aussi que par exemple les locaux de la radio pro-gouvernementale ils ont été complètement détruits. En vrai, c'est les grosses émeutes quoi. Là, les gens ils sont en mode vraiment gros affrontement de partout. Même les patrons de certains milieux des affaires ils commencent à prendre leur distance avec le gouvernement quoi. C'est pour vous dire à quel point là ça commence à vraiment chauffer au Nicaragua. Et voilà, moi je voulais dire juste le 30 mai il y a eu un massacre là-bas. Du coup il y avait eu un peu une tentative de dialogue là, un moment, une sorte de, moi j'aurais envie de dire de trêve de trêve à la ZAD Notre-Dame-des-Landes, non, bon, pas du tout, bref, pardon, je fais des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être, mais vous voyez, en fait, du pseudo dialogue qui sert à rien comme d'habitude là. Et bref, ça va marcher. Et du coup, RFI nous dit « Avec la fin du dialogue, la capitale et les principales villes du pays ont rapidement été secouées par de nouvelles vagues de violence, comme le 30 mai dernier dans la capitale, Managua, la capitale, lors d'une grande marche convoquée par les maires, des jeunes et des étudiants assassinés par le régime. À l'issue de cette mobilisation pacifique, la police et des groupes paramilitaires ont attaqué les manifestants, faisant une quinzaine de morts et de nombreux blessés. » Voilà. Et ça, les gens disent... que c'est comme un point de non-retour qu'a été... Enfin, voilà, c'est l'analyse des journalistes, hein, d'accord ? Mais déjà grave, la situation au Nicaragua s'est encore dégradée ces derniers jours. Voilà, il semble... Attendez, voilà, c'est ça. Le bras de fer entre le président Ortega et l'opposition semble évoluer de plus en plus vers un point de non-retour. Avec la quinzaine de personnes mortes le 30 avril dernier, gna gna gna. Voilà, c'est la tension dans la capitale, Cela s'ajoute aux agressions commises par les sympathisants d'Ortega contre les étudiants, toujours retranchés dans les universités. Donc voilà, ça veut dire que très probablement, il y a un gros mouvement étudiant encore en cours et qui sont des gros bastions là où les étudiants sont retranchés dans les universités. Quoi. C'est... Enfin, je sais pas, la façon dont est tournée la phrase, ça annonce un truc bien trash, plus les paramilitaires qui ont l'air de venir les assassiner. Oh, c'est une ambiance sympa là-bas. Et donc, je pense qu'on en parle pas beaucoup, mais en vrai, il y a des morts, pas tous les jours, mais vous voyez quoi, quand même des gros affrontements bien, bien hardcore et bref, ça a pas l'air facile, quoi. Et du coup, les gens, ils ont l'air quand même de se battre vraiment beaucoup contre une espèce de régime quasi, enfin, je sais pas si on peut dire fascisant, mais en tout cas hyper répressif. Et militaires, et paramilitaires, et tout ça. Et... Bref, ça c'était le Nicaragua. Et sinon, peut-être un peu meilleure nouvelle, au Brésil, il y a eu aussi des grosses contestations sociales, mais pas sur le même mode. Plus c'est les routiers qui faisaient grève, et qu'on fait des piquettes, des barrages, et tout ça, là. Et que ça a bien marché. Eux, c'est pareil, ils ont fait une grosse semaine en gros de piquets et de grèves. Ça a déjà bien foutu le dawa dans le pays. Et eux, ils ont obtenu du coup un peu ce qu'ils voulaient, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu une grosse hausse du prix de l'essence. Et donc le président, là, ou le premier ministre, ou je sais pas quoi, là, il a reculé. Il a dit bon, d'accord, ça sera pas une hausse comme ci, ce sera une hausse plutôt comme ça. Les gens ont fait non, mais tu crois quoi là, ça nous suffit pas. Et ils sont encore en train de bloquer du coup. Voilà, ça continue, ça fait 9 jours, je crois, qu'ils y sont. Bref, comme quoi dans d'autres pays, les méthodes de grève et de blocage, elles marchent toujours parce qu'elles sont plus massives qu'ici, quoi. Voilà, bon, je sais pas, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire, c'était pas grand-chose. Et peut-être on voulait s'excuser de pas parler de la Palestine, parce qu'en vrai, il y a 1000 trucs à dire sur ce qui se passe là-bas et que c'est encore plus ouf, là. Et que, après, on s'est dit, voilà, c'est plus médiatisé, on n'a pas trop... On ne s'est pas trop préparé des recherches là-dessus parce qu'on pense que vous êtes de celles et ceux qui se tiennent informés par rapport à ça, mais big up à la Palestine, solidarité, tout ça. Parce que franchement, c'est chaud là-bas aussi, ouais. Ouais. Du coup, on a peut-être fini ce petit point international. J'ai l'impression, hein. Remettre un petit peu de musique avant l'agenda. Ouais, ça marche. Par exemple. À tout de suite. Alors nous revoilà. On va enchaîner donc sur l'agenda des prochains jours. Donc demain, il y a à Nantes et à Saint-Nazaire des rassemblements contre la venue de Netanyahou. Donc à Nantes, c'est à 18h au carrefour de la Barillerie et des 50 otages. Donc, on parlait de la Palestine. Au final, on en parle. Hein. Et du coup, oui, donc c'est la rue de la Barillerie, c'est la rue qui monte vers la place du Pilori, hein, à partir des 50 otages de l'arrêt de tram commerce. Donc ça c'est à Nantes. Demain 18h, à Saint-Nazaire à la même heure. Devant la permanence de la députée Madame Audrey Dufeu-Schubert, donc au 110-112 avenue de la République à Saint-Nazaire. Voilà. Toujours mardi, cette fois-ci à 19h30 à Nantes, il y a un rassemblement contre Bernard Cantat et les violences faites aux femmes. Donc devant le Stérolux à l'île de Nantes. Donc pour rappeler, Bernard Cantat, dernièrement, en dehors de l'histoire de l'assassinat de Marie de Trintignant en 2003, si je ne m'abuse, il commence à être inquiété pour une autre histoire de harcèlement qu'aurait conduit une autre de ses compagnes au suicide. C'est un petit peu particulier que cette personne-là continue à faire de la scène comme ça, être un personnage public. Tu utilises des mots bien gentils même. Oui. J'aime bien parler par euphémisme. on peut poursuivre. Jeudi 7 juin à 16h30, il y a donc un événement contre Parcoursup. Ah. Donc voilà. Parcoursup. Donc jeudi à la préfecture de Nantes, donc à 16h30. À Saint-Nazaire, vendredi 8 à 20h15, à l'Agora, maison des associations de rue Albert de Moon, je sais pas comment ça se lit, à Saint-Nazaire, M-U-N, hein, le nom de Albert. Conférence débat. Donc c'est salle 7 à la maison des associations. Le 9 juin, donc samedi à 14h sur la ZAD, donc il y a un événement organisé par l'Ambazada. Plus concrètement, tac. Ouais, on fait vraiment tout à l'arrache aujourd'hui. En fait, c'est un peu particulier parce que... Ah si, c'est ça. Donc, il y a un repas à midi. Et l'Assemblée Générale commence à 14h. Donc voilà. Bon, on va manger et réunionner. Pour changer. Pour ce que j'allais dire. Samedi, à 14h à Nantes, il y a le Pink Bloc dans le cadre de la Pride... à Nantes. Mmh. Donc appel à former un cortège au sein de la marche organisée par le centre LGBT. Donc pour toutes les personnes qui partagent des positions féministes et anticapitalistes et qui analysent les choses sous l'angle de la lutte contre les oppressions systémiques. Donc la transphobie, l'homophobie, le sexisme, racisme, putophobie, le validisme, etc. Samedi, toujours à 14h, donc là, don d'ubiquité requis. Il y a la fête au Jardin des Ronces. Donc le Jardin des Ronces, c'est au quartier du Vieux-Doulon, au 26 rue de la Papotière, en face du cimetière. Ce qu'on m'a dit, il y aura des concerts, chorales, baltrades, projections, débats, visite du jardin, buvette, repas, camping, tournoi de caps, enfin non, ça c'est comme vous voulez, voilà. Donc ça se poursuit aussi le dimanche, hein, à partir de midi, hein. Toujours au même endroit, toujours avec les mêmes trucs. Hein. Et mais avec la gueule de bois le dimanche, du oui. coup. Donc midi, c'est parfait. à Nantes, le mardi 12 juin, il y a une réunion publique pour l'accès à l'éducation des jeunes exilés, donc à la Maison des citoyens du monde, donc organisée par l'AJS, Action Jeunesse Scolarisation. Donc la Maison des citoyens du monde, c'est au 448 rue Lequin à Nantes. Aucune idée d'où c'est, mais ouais, voilà, Internet est votre ami là-dessus. Le jeudi 14 juin à 20h30, donc au Canon à pâte, donc 51 rue Alsace-Lorraine à Rezé, il y a diffusion du documentaire Encore elle. Donc réalisé par Constance Ryder et Josiane Szymanski en 2011. Donc il s'appuie sur des témoignages de militants ayant pris part à des luttes dans les années 70. Donc c'est le Canon ad hoc, je crois, la SOSKI, oui c'est ça qui organise ça. Et voilà, donc là ça nous mène déjà à jeudi de la semaine prochaine. Donc je pense qu'on aura plus d'agenda lundi prochain, vous serez toujours aussi nombreux, nombreuses. Oui, et nous on sera toujours là bien sûr, oui, bien sûr, évidemment. Ouais. Eh ben, je crois que ça touche à sa fin, là, notre petite soirée. On peut passer quelques morceaux pour se quitter en douceur. Ouais, puis peut-être rappeler quelques petits sites internet, oui, quand on n'est pas là. C'est ça. Et pour nous suivre et tout ça. Alors déjà, on a une page Facebook, Radio Cayenne. Hein, mmh. Vous pouvez venir sur notre page et nous mettre des petits cœurs et des pouces levés, tout ça. Voilà. En totale anonymité, évidemment. Bien sûr. Et nous avons un blog super chouette sur lequel vous pouvez retrouver nos podcasts. Alors bon, c'est sûr, nos podcasts, ils sont pas toujours hyper à jour, hein, c'est clair. Mais c'est quand même vachement pratique parce que quand vous loupez Radio Cayenne en direct, ce qui peut arriver quand même souvent, et ben vous pouvez réécouter l'émission en entier ou des bouts d'émission ou des bouts de trucs qu'on met en plus. Et donc notre blog, il est sur radiocayenne.noblogs.org. Nos blogs, ça s'écrit NOBLOGS. Voilà. Voilà. Donc on se quitte là, c'est ça? On dit au revoir là. Ouais, je crois que c'est ça. Oh là là, mais c'est dommage, vous êtes encore tellement plein à nous écouter. Ça donne envie de venir discuter si avec vous. Vous avez des idées de. Mais on si a... voulait parler de choses, venez. Enfin, on a un petit problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas réussi à faire fonctionner notre téléphone. Que d'habitude, vous pouvez nous envoyer des messages et alors ça nous permet de communiquer avec vous. Et alors là, on est désolé, notre téléphone, il n'a pas trop marché ce soir, quoi. Il y a un petit bug de carte SIM. Et d'habitude, on a un chat aussi, mais c'est pareil, on n'a pas réussi à le faire fonctionner. Bon, on n'est pas toujours au point niveau technique, comme vous le savez très bien si vous nous écoutez d'habitude. Bref, et en tout cas, voilà. On est très contents de vous avoir eu tous aussi nombreux, nombreuses ce soir. C'est hyper bien. Et du coup, on espère à lundi prochain. Puis n'hésitez pas en fait à vous reconnecter sur radio.antirep.net pour écouter Radio Cayenne. Ouais. Salut, salut, c'est bisous, dur de vous quitter. Lundi. Bisous, bisous, bonne Ciao. Soirée. We'll be right back. c'est fini. Captivité pas bon. Tentative d'évasion. La prison quadrillée. Niquée par les képis. Des matons, des catis. Quasiment déphasé. Plaidoirie kamikaze. L'avocat dégoûté. Lui manquait quelques cases. Système pénitentiaire. Condamner l'accusé à purger l'eau de paix.